Alors, mon petit pipoulou, et comment tu trouves tes vacances dans le sud avec papy et mamie? Oh, c'est vraiment super, papy. Eh oui, bonne mère. Mais qu'est-ce qu'on entend là, dis donc, papy? C'est les cigales, mon petit pipoulou. Oh. Et là, tu vois, c'est la Garonne qui coule dans la vallée. Oh là là, elle descend la montagne de Saint-Maurice. Et passe ensuite par notre petit... Ah putain, c'est quoi tout ce bordel? Et là, papy, c'est quoi ce bruit? Mais c'est quoi tout ce bordel au bout du nez? C'est quoi ces branquignoles? Pardon, monsieur? Vous savez où se trouve la salle de concert de cette ville? Et qu'est-ce que vous nous voulez? On est un petit village, on n'a rien demandé. Il y a une foule de gens, puis pour nous... Il y a même pas d'office du tourisme ici. Non mais attendez, vous êtes pas au courant? Il y a le plus grand label de K-pop qui a décidé d'organiser un festival dans cette ville parce que Jin des BTS a dit qu'il aimait les pains au chocolat de cet endroit. C'est trop génial! Oh mon dieu, Pipoulou, cours! Mais papy, ils ont l'air gentils! Mais ta gueule, Pipoulou! Cours, bonté! Oh, bouche les oreilles! BTS! C'est trop tard pour elle, mon petit Pipoulou! Le démon de la K-pop s'est emparé du village. Tout est perdu. Tout. See things you people wouldn't believe. What is my purpose? You pass butter. Oh my god. Engage hover mode. C'est quoi ce bordel? Now! Ok, les braves gens, on se tire les doigts des tympans et on écoute mi-carefully! Vous m'appelez, vous me dites quoi? La connerie de chez bien arrivé, non? La connerie à ce point-là, moi, je dis que ça devient gênant. Salut, Agnio et Song! Agnio et Taïa! Oh là, voilà, ça commence déjà! Bonjour! Bonjour, Abe, nous recevons actuellement des malades, moi! Alors, du coup, vous l'avez compris, on va parler de K-pop après cette prise de risque que nous ne referons jamais. Si. Non. Alors, ça passera évidemment sur Malaise TV tous les jeudis soirs. Nous sommes présents avec vous donc pour parler de K-pop avec donc Abe, vous l'avez reconnu. On a Perry à ma gauche. Oui, toujours. Et Val qui est plus venu depuis longtemps parce que. Yes. Un an, je sais pas. Oui, un an. Et bon anniversaire. Et Didi juste à côté. Qui est déjà en mode ASMR, c'est-à-dire qu'elle est fatiguée. Quand elle est fatiguée, elle passe en mode ASMR, j'ai remarqué. Alors déjà, c'est quoi vos noms de groupe? Comment ça? Ah bah, là, par exemple, Abe, c'est quoi? C'est Abichou, je sais pas. ABC, non. Abe... Non, c'est vos... Hey, hey. Hey, voilà, vos noms de groupe de K-pop, Perry, toi, ce serait J.O. Gino... Non. Non, d'accord. Peregrino. San Peregrino, exactement. C'est parfait. C'est ça, San et... Peregrino. Et c'est un groupe japonais, il y a le San devant. Peregrino-san. Non, Peregrino-san, voilà, c'est ce que j'allais dire. Peregrino-san, Peregrino-shimasu. Peregrino-san. Incroyable. On se trompe de continent, de pays. Alors du coup, évidemment, on va parler d'abord de nos brawls, ensuite de K-pop, et tout ça en chansons. On va passer pas mal de chansons de K-pop. Je vous préviens, si vous n'aimez pas ça, ben non, mais écoutez pas, en fait cassez-vous, courez comme papy et Pipoudou, ça va être la merde. S'ils sont là pour découvrir, on les accueille les bras ouverts. Vous allez découvrir un monde merveilleux. Différent. on verra qu'il y a... voilà. On verra qu'en effet, il y a des côtés positifs, il y a des côtés négatifs. Des côtés quoi? Des côtés gris. La vie n'est pas faite de bonheur tout seul. Il y a de nombreux côtés, c'est tel un diamant, tu vois. c'est qui ça. Qui n'est pas encore poli. Et tout de suite, on va parler de nos brawls. En piste, on discute danse, on n'oublie pas de rester disco. Administration... Le brawl, c'est ce que les Français appellent du bordel. Chez nous, c'est du brawl, tout simplement. Mais oui, c'est clair. Et c'est très clair. Qui veut commencer? Oh, elle est pas tout seule. Ouais, on va commencer par le plus chelou, c'est-à-dire Bloodstain. Ah yes. Qui est donc la tache de sang. La tache de sang. Alors la tache de sang, c'est un jeu vidéo qui est sorti dernièrement. Et dont je vais passer la bande-annonce tout de suite. je te coupe de ouf, mais c'est pour mieux faire comprendre les gens avec une musique. C'est pas de la K-pop, mais bon, c'est bien vénère déjà. Ah oui, en effet. Alors, décris-nous un peu. Alors, Bloodstained, c'est un super jeu. C'est le successeur spirituel de Castlevania, donc la très grande série de jeux vidéo portée donc sur l'univers de Dracula, de Vlad Tepes et de clan Belmont. Donc en gros, à chaque fois, ils reviennent avec un fouet et ils reviennent buter Dracula qui s'est réveillé, grosso merdo. Et disons fouettez-moi. Et kiffe ça. Et voilà, le jeu le plus légendaire de la saga, c'est Symphony of the Night, qui est sorti en 97, donc sur PlayStation 1. Et ici, on a un véritable renouveau en fait du même créateur, du papa du coup de tous ces épisodes-là qui sont sortis sur GBA et sur DS aussi. Donc par la suite, et vraiment c'est un super jeu avec des musiques magnifiques qui repompent complètement peut-être tous les principes en fait de Castlevania, mais c'est un vrai kiff. En même temps avec le fouet, c'est pas mal qu'il repompe. Hein. Ouais, c'est vrai. Pardon. Non mais écoutez, voilà. Alors, c'est un vampire, il pompe aussi. Non mais qu'ils reprennent le gameplay du fouet qui était tout à fait bien et qui s'adaptait en lasso d'ailleurs. Le bestiaire est très parfois très sexy, les petites Liliths, en tout cas leur réincarnation un peu plus moderne. Voilà, ça fait plaisir. Et puis qui meurt dans des cris dignes des plus grands pornos. Je n'ai aucun autre mot pour ça. Et c'est franchement génial. Sauf que, ils ont été quand même foutument incapables de faire un portage Switch correct. D'accord. Ce qui fait que la différence entre la version PS4 et la version Switch pique les yeux sa mère. C'est-à-dire que t'as l'impression de jouer sur PS2 Ouais, grave. Très bonne comparaison pour le coup. C'est complètement ça. Et ça fait un peu chier. Mais on attend qu'ils corrigent les bugs. Et j'ai cru comprendre qu'il y avait aussi d'autres problèmes avant ça même, de base. C'est-à-dire qu'il y avait une démo qui était sortie avant. Tout à fait. Tout à fait, mon cher Jean-Pierre. La démo présentait le Galion. Et donc dans ce Galion, en gros, voilà, on voyait que les graphismes n'étaient pas tip-top. Et en fait, les graphismes de la démo, on a l'impression que c'est ceux qui sont restés sur la version Switch. Ils n'ont pas amélioré le bousin. Bon, entre-temps, voilà. En même temps qu'ils jouent sur Switch... Non mais je veux dire en termes de nombre de personnes. Mais non, la Switch c'est trop bien, achetez une Switch, achetez une Switch. C'est bien la Switch, Et du coup en fait la vidéo que j'ai vue moi, c'est ce créateur, ce papa justement de la saga qui Igarashi, un peu dans un truc très mis en scène a dit ok, ils ont vu que c'était de la merde, on va leur montrer. Et il sort un truc qui est beaucoup plus beau, qui est beaucoup plus adapté. Ils ont fait des comparaisons avant-après très bluffantes, et puis il se met vraiment en scène dans ce rôle du créateur, d'un peu de Dracula dans un univers gothique sombre, et c'est trop bien qu'ils se prennent au jeu à ce point. Ils sont très à l'écoute au final de la communauté parce qu'ils réagissent très vite sur Twitter sur le fait que c'est moche, grosso merdo. Et personnellement, je trouve ça assez rare dans des jeux japonais. C'est vrai, c'est vrai. En général, ils retardent les sorties plutôt que de sortir un truc inabouti, mais étant donné que là, on est sur un jeu indé. Ça a peut-être dû aussi... Ah, c'est indé, c'est pas indé. Konami. Ça a été crowdfundé. La licence Castlevania est à Konami. Yeah. Et du coup, là, on est sur un successeur spirituel parce que c'est le créateur, mais le créateur s'est barré, ou alors il y a eu un conflit avec Konami, Conflits avec Konami Non. Juste pour rappel, c'était les plus grands... je pense, le deuxième plus gros... comment dire, pas clash. Le plus gros truc affreux qui s'est passé, par exemple, après le Gamergate, comme truc pourri dans le jeu vidéo. Quoi. Ouais, complètement. Donc, Konami qui a. On n'imagine même pas ça dans le cinéma. Pour rappeler l'histoire, ils ont pris le créateur de Metal Gear Solid et l'ont viré. Kojima. Et ont carrément viré son nom des jaquettes. Enfin, il n'existait plus pour le studio. Et ça, je comprends que c'est quand même assez. Japonais, dans une culture d'entreprise comme ça, où on veut plus que tu sois attaché, rattaché à l'entreprise de base. On va le voir avec la K-pop. même si c'est pas japonais, mais bon, bref. Tout ça pour dire que, oui, c'est pas Konami. Et non, c'est pas Konami, mais c'est tout aussi bien, même si on déplore du coup ces petits soucis de freeze frame, de temps de chargement, etc. Le jeu reste ultra satisfaisant et plaisant pour tous les fans de la saga et de la licence. Alors... ma question est... Parce que c'est pour la première fois de ma vie, j'ai pu tester une Switch, puisque quelqu'un, que je ne sais très pas, qui se trouve ici, a acheté une Switch, et du coup, nous laisse allègrement... Y toucher. La défoncer de... Oula. Non, là, il jouait... Oui, on lui fait des choses, pardon, j'avoue tout. On joue à Zelda et Mario Kart et tout et tout. Ah, et ouais, non, j'ai été impressionné par... Les capacités techniques ? L'inutilité de cette console, voilà. Mais... Je suis désolé. Mais non, de ma tu part, peux dire ça ? Personnellement, je trouvais ça impressionnant que... ouais, c'est bizarre, c'est très bizarre. Mais le fait que tu puisses l'emporter en mode... Enfin, t'as pas eu l'occasion de la tester peut-être hors de chez toi. Si, mais c'est... Ah, pas hors de chez moi, mais oui, en mode portable, c'est... j'arrive pas, ça me fait très très mal aux mains. C'est impossible. C'est le principe de la console qui est aussi très sympa. C'est trop petit, quoi. Mais pas du tout, je trouve. Non, mais t'avais pas une PSP. Je parle pas de l'écran, je parle des contrôles. Les Joy-Con, oui, les Joy-Con, c'est particulier quand on les a un seul en main, mais quand ils sont rattachés à la console, c'est assez confortable. C'est quand même. Pas pour moi, ça m'allait vraiment, vraiment pas. Et dans tous les cas, je préfère jouer sur la télé, c'est beaucoup plus beau. Oui, bah c'est plus grand, c'est le but. Mais t'avais une PSP, t'as joué avec une PSP. J'ai joué avec une PSP. Oui, et puis sur DS, on s'éclatait aussi. Voilà. Et la DS, j'ai adoré et tout. Mais pourquoi alors pour la Switch j'aime bien Switch. Nintendo, j'ai rien contre eux. Je parle vraiment de la console, la Switch. Mais pourquoi la Switch te dérange alors s'il y avait la PSP et la DS ? Enfin, je sais que c'est pas les mêmes formats, mais. Sachant que là, on a des meilleurs graphismes, on a des jeux beaucoup plus grands, qui offrent beaucoup plus de choses aussi. Mais justement, il n'y a pas de jeux. Il y a plein de jeux sur Switch. Là, au lancement, on était un peu chiche, mais depuis Zelda, depuis. Maintenant, ça fait 2 ans. Il y a Zelda, il y a ça, et puis maintenant, après, il y a que des adaptations de jeux qui sont déjà sur PS4 depuis que 2 ans. Nintendo... Il y a The Witcher 3 qui va sortir dans pas longtemps. Mais il va se faire downgrade de ouf, ça mais va oui, être violent. En plus, genre... Mais Dark Souls est sorti sur Switch. Et les licences qu'on n'attendait pas sortent sur Switch. Et en fait, c'est le signe que Nintendo s'ouvre à d'autres éditeurs, s'ouvre à d'autres univers que ses propres licences, et ça, c'est... exactement ce qu'il lui fallait après l'échec de la Wii U. Il fallait réagir comme ça et il fallait qu'il ouvre du coup sa porte à des nouveaux titres, et ça fait que maintenant les gens s'intéressent à la Switch, pas seulement pour Zelda mais aussi parce qu'ils peuvent rejouer à des grosses licences comme ça. J'ai découvert Dark Souls, merci la Switch. Ouais, tu as souffert avec Dark Souls. Es-tu heureuse d'avoir découvert Dark Souls ? Non. J'ai découvert le fouet et j'aime ça. Tu as découvert le try hard. Castlevania, c'est on chiant. En parlait. Ah, Castlevania, c'est try un plaisir. Hard, mais c'est chiant. Mais... Oh, mais les joueurs de Dark Souls, pitié. Il y en a des très gentils. C'est vrai. Voilà. Ils ne sont pas tous méchants. Disons que personnellement, je fais souvent la comparaison avec Monster Hunter, où c'est un jeu qui est réputé très difficile. Pas forcément pour le dernier, qui est quand même qui s'est vraiment adapté au grand public. Non. C'était une intervention. Non, mais de Abe. Moi, je trouve qu'il est très dur ce jeu. Monster Hunter, je vois pas l'intérêt d'un jeu sur la chasse. J'aime pas non plus. J'aime pas non plus. Alors, attendez. Il y a juste Jonas qui aime. Pardon, je précise qu'elles n'y ont jamais joué de leur vie. Si. Voilà. C'est faux. Bah si, c'est faux. Justement. Non, mais Perry et Elodie. J'y ai joué. Ah oui. C'est pas pour rien que je dis j'aime pas. Mais oui, mais bien sûr, mais j'ai pas dit que c'était pas critiquable de pas aimer. Non, c'est le contraire que je voulais dire. Mais c'est juste moi en fait qui ai pas joué. Bref, voilà, je voulais simplement dire que quand, peu importe le gameplay, peu importe le principe, c'est que t'affrontes un gros monstre, c'est difficile, et quand t'y arrives, t'es content. Alors que dans Dark Souls, non, t'affrontes un petit squelette, tu te fais défoncer, c'est horrible. C'est ouais, mais alors tu te félicites du skill que tu peux avoir au bout d'un moment. Contre un petit squelette ? Non, ouais. Moi je suis triste, je suis là, j'ai perdu. Tu sais que le jeu te prend pour sa pute, pour ça. Donc au bout d'un moment tu t'adaptes. Et tu apprécies. Ouais, c'est ça. Et puis après, tu peux comparer la taille de ton chibre avec les autres joueurs. Avoir payé pour ne pas savoir jouer. Alors pas tous en même temps, mais c'est ok. Donc voilà, j'étais très déçu par la Switch. J'ai trouvé que Mario Kart 8, c'est Mario Kart. Mais c'est juste une version de luxe, on t'a jamais vendu. Non, mais je vais à Micromania, je vais regarder les jeux et tout, il n'y a rien qui m'intéresse. Je suis tellement pas d'accord. En fait, si t'as une PS4, je comprends pas pourquoi t'achètes une Switch, pas à part pour jouer aux jeux Nintendo. Et voilà, c'est tout. C'est pour ça que ça me... Il y a aussi un magasin... Un magasin en ligne qui est ultra cher, ouf. Non, c'est les prix normaux. Mais je pense, Jonas, la question en fait, c'est juste, c'est comme avec ceux qui aiment la console et ceux qui aiment le PC. Genre, c'est juste, c'est une habitude. Moi, j'ai toujours été, depuis la naissance de Sony PlayStation, depuis la PlayStation 1, tu vois, j'ai été baignée dedans. Donc, moi, le PC, même pas en rêve, je vais jouer sur PC. Moi, je ne connais que la console. Mais moi, je parle pas de nos habitudes, je parle de ce qu'elle a à offrir, la console. Enfin, en plus du fait que, personnellement, j'ai du mal avec l'ergonomie de la manette quand c'est mis en un, là, en portatif. C'est vrai qu'il ne faut pas avoir des gros doigts. Non, parce que ça donne des crampes assez rapidement. Moi, j'ai pas de problème. On a des petits doigts. Oula, quand t'as agité tes petits doigts comme ça. mais donc, voilà, j'étais très impressionné par ça. Surtout quand la console arrive à sa fin de vie. C'est impressionnant, quoi. Et j'ai hâte de voir ce que... Fin de vie, pardon. En tout cas, ils ont intérêt à suivre le rythme, puisque dans 2 ans, il y a la PS5 et la nouvelle Xbox. Oui, mais ils sortent en décalé, ils suivent pas le rythme. Ouais. Moi, c'est surtout ils s'en battent les couilles, Nintendo. La Switch, ils en ont rien à faire. La Switch, en fait, c'est la grosse... PSP. Non, pas PSP. Genre les trucs de Game chez. Boy. Ouais, yes. C'est la grosse DS, c'est la grosse Game Boy, c'est le truc que tu peux emmener en vacances. Non, c'est un très c'est bon un mélange. Peu chiant d'emmener sa PS, faut l'avouer, en vacances. C'est un peu gros. Alors que là, t'as genre un petit. Enfin, tu vois, genre le sac de rangement, enfin. La pochette pour la housse pour ranger, avec pareil, les petites disquettes, c'est comme des cartes SD, quoi, le truc des jeux, c'est. Ça prend pas de place en fait, comparé à une Play. Bah, c'est des cartes DS. Ouais. Non, et t'as ton écran. Pour moi, c'est toi, ça quoi. En fait. C'est un truc sympa que tu peux amener en vacances. Et puis les grands open world, tu les joueras jamais dans une aussi belle qualité que sur Switch en fait. Mais genre, tout ce qui est Zelda, tout ce qui est. Mais c'est normal, Zelda, c'est que sur Switch. Mais oui, mais pour le coup, en gros, si tu joues sur PS4, ce sera en double HD. En plus, si tu joues sur PC, tu auras Star Citizen. La Switch, c'est la version. Zelda dans les étoiles. C'est la version finalisée de la Wii U, la Switch au final aussi. Oui, tout à fait. Mais bon, c'est pour ça que je suis très impressionné quoi. T'as une. T'as une console, c'est la bêta après l'alpha, et t'as pas beaucoup de jeux, et ils sont tous rush as fuck. Donc ils sont très très très très chers. Les manettes sont très très chères. Ah, mais c'est obligé. Les manettes sont chères. Je veux bien te l'accorder, mais il y a beaucoup de jeux qui sont pas rush. Je pense que qui c'est, sont bien... comme c'est pas des consoles qui sont extrêmement vendues, ils peuvent pas faire une économie de largitude. Bah non, mais quand on parle de 20 millions de Switch, c'est pas les 80 à 100 millions de PS4. Mais oui, mais ils ont pas le même âge. Le même âge. La Switch est sortie plus récemment que la PS4. Bien sûr, mais elle fera jamais les mêmes ventes. Elle fera jamais les mêmes ventes que la DS, j'en suis sûr. Elle coûte plus cher que la DS, et pourtant la DS c'est la deuxième console la plus vendue de l'histoire. L'histoire. Après la PS2. PS2. Yeah. Parce qu'elle a plus de jeux. Elle a toujours des jeux. Oui. Bah voilà. Elle sort encore les jeux quoi, c'est magnifique. Elle sort les Just Dance en fait. Et je suis désolé mais c'est ça qui te fait kiffer une console quoi. Là t'avais mais 4 milliards de jeux de chef-d'œuvre et personnellement sur Switch là, je trouve Zelda, Mario et voilà. Mais c'est parce que tu connais, t'as pas vu les autres. Mais les autres sont sur PS4. Mais non, t'es bon. Ou sur PC. Bah oui, mais dans ce cas. C'est des indés. Non, attends, figure le problème autrement. Moi, j'avais. J'aime bien ce vieux débat qui date de 2000 de la sortie de la console. Mais figure le problème autrement. Toi, t'as déjà une PS4, t'as déjà un PC. C'est vrai, pourquoi tu t'encombrerais d'une Switch si tu veux juste jouer à Zelda? Y'a pas de raison. Moi, j'avais ni l'un ni l'autre, j'ai ni PC gamer ni PS4 à l'époque, et j'ai pris ma Switch et je suis une femme comblée. Et je peux jouer à des jeux auxquels je n'aurais sinon jamais joué. Et c'est à ces gens-là aussi que se destine la Switch, et aux gens qui veulent aussi. Touché aux produits Nintendo only, on va dire. Et j'aime cette conclusion. Et j'achète ce produit. Non, mais oui, tout à fait. Et c'est vraiment... C'est parce que c'était... J'exprimais évidemment mon point de vue. Et avec tout mon historique de joueur qui rentre qui est très console. Non, à la base, il était très, très, très PC. Et puis après, je suis passé à la tu console. Tu es venu du à partir, bon côté de la force. À partir de 2011, j'ai acheté une console. PlayStation 3. Voilà. Tant de chuchotements. Oh là, j'ai ma mère. Oui, j'avais... pendant un an, j'ai mangé des petits sandwichs à 2 euros pour économiser le 1 euro qui me restait pour acheter la PS3. Voilà. Bravo. Bravo, bravo. Bravo. Didi, tu voulais nous dire avant qu'on passe à... C'est pas pour débattre ou quoi que ce soit, mais moi, Breath of the Wild, Zelda, le dernier, j'ai pas du tout accroché. J'ai pas réussi. Ouais, j'ai pas réussi à rentrer dans l'histoire. Enfin, l'histoire, j'y ai joué quelque peu. Il y a une histoire ? Pardon. Oui, il y a une histoire. Je sais pas, en fait. Ouais, je me rappelle même pas, tu vois. Mais si t'as joué un petit morceau, on m'a dit, tiens, joue. Et j'étais là, je fais... Ok, qu'est-ce que je fais? Où je vais? Je ne sais pas. C'est un monde ouvert, c'est normal. Mais non, c'est pas normal. Si, tu fais ce que tu veux dans un monde ouvert. Mais le très bon exemple, justement, c'est Red Dead, où le monde ouvert, tu as... Enfin, je veux dire, l'histoire te guide du début à la fin. C'est un mouvement vraiment très orchestré. On dirait vraiment qu'il y a un chef d'orchestre au-dessus de toi qui dit « Ok, tu vois, cette personne, c'est ton ami, machin, qui va aller là et tout. » Et c'est extrêmement bien scénarisé. Bah, t'es quête sur quête sur quête qui t'emmène à la fin, au final. Mais non, c'est histoire, histoire, histoire. Oui, mais tu rencontres après, quelqu'un qui te donne quelque chose. Mais je veux dire, ça te guide. Bah non, puisque là, il y a rien qui te guide. Si. Bah, il y a juste ta tablette Sheikah qui te dit, allez, va là. Mais t'as des quêtes. Démerde-toi. Mais t'as des quêtes aussi. Ouais. T'as des quêtes les personnages pour sont doublés à moitié. Non, ça, c'est chiant, ça. Non, mais t'as des temps. Oh, je vais te dire, la solution, c'est... C'est le texte qui défile. Ouais. Mais non, si, à un moment il y a eu moitié de doublage. Ah, d'accord. Mais tu sais que t'as des temples à faire, tu sais que t'as des objectifs ça, en fait que tu connais. Des temples. Mais non, mais il y a le mode histoire que tu suis. Il y a des petits points jaunes sur la carte que tu vas. Des petits points jaunes. Oui, mais comme disait Didi, t'es pas guidé à ce point comme pourrait l'être Red Dead. Oui, t'es beaucoup laissé à toi-même. Voilà. Parce que c'est le but du jeu. Après, ça me gêne. C'est très old school non, dans mais le c'est... jeu en monde ouvert. Ça me gêne pas parce qu'il y a genre Skyrim, pareil, en fait, c'est un monde bien ouvert et puis t'as plein de quêtes annexes et tout RPG, ça. C'est un RPG, c'est... Enfin, ouais. Même si Zelda, justement, là, Breath of the Wild, essaye d'être un RPG au max, Skyrim, justement, c'est un RPG pur jeu. Là. Donc, mais je crois que c'est juste... C'est le principe, même. Enfin, tu vois, genre, ouais, Link, je sais pas, j'ai pas trop réussi à m'attacher au personnage principal. Et pourtant, ça existe, genre, Zelda, c'est quand même... Enfin, c'est une enseigne phare du jeu vidéo, je le sais très bien. Mm. Mais le problème, c'est que j'ai pas... Voilà, moi, j'avais pas... C'était quoi? C'était sur Nintendo ou je sais plus quoi. C'est... Il y a moyen, oui. Je sais plus sur quelle console. Le premier NES, je pense. Ouais, mais après, l'autre, quand c'était des cartouches, c'était sur quoi? Game Boy. Zelda sur... Ou peut-être. Mais tu vois, genre... Ouais, il y a eu des Zelda sur Game Boy. Hein. Bien sûr, il y en a eu quasiment sur tous les supports, même la Philips CDI. Ouais, ah, mais tu vois, le fameux... Je pense que, comme moi, j'étais sur Sony, donc PlayStation, j'ai pas attrapé le virus Zelda. Bah non, ouais. Tout comme Mario, bon, bah ça va 5 minutes, mais au bout d'un moment, tu vois, genre, je sautais les champignons, ça va, quoi. Mais pour rebondir sur le... Non, on ne touchera pas cette phrase. Non, ça marche pas trop comme ça, là. Après, je ne retire pas qu'il est très beau. Mario, il était très beau. Qu'est-ce que tu fais avec le roi? Zelda était très... Enfin, Breath of the Wild était très beau, oui. Enfin, c'est un style qu'il faut aimer. Il est mort. Non, il est pas mort. Il est beau. Mais c'est un style particulier qu'il faut aimer. Et pourtant, j'aime l'univers nippon à fond. Et bizarrement, je sais pas, j'ai pas eu la fièvre du Zelda. Il y a des dragons dedans. Ouais, mais pour les dragons, j'ai Dragon Age. Yeah, ok. J'ai mais Skyrim. C'est des dragons. Là, il y a des personnages asiatiques. Doublés. Non, mais, ouais, mais j'ai Skyrim. Genre, j'ai Skyrim, Dragon Age, tu vois, si je veux des dragons. Il y a, pareil, il y a Monster Hunter, mais j'aime pas, tu vois. J'aime pas, mais genre, si je veux des bébêtes, il y en a plein là-dedans. Des bébêtes. Sinon, il y a Nintendo Dogs. C'est bien aussi, Nintendo Dogs. C'est sympa. Animal Crossing. On vient des bébêtes. Animal Crossing. Mais je vous assure que le dernier Monster Hunter reprend vraiment la formule et la sublime. C'est à tester si vous étiez habitué à l'ancienne formule, on va dire. Non, mais vraiment, ça change beaucoup, beaucoup de choses. Et pour rebondir sur ce que tu disais sur le faire de l'attachement à Link, c'est vrai que voir un personnage en 2019, 2018 et tout, à la troisième personne qui parle pas, je trouve que ça fait un peu chelou, personnellement. Qu'est-ce qui fait énormément de bruit comme ça? C'est juste le style du jeu que le personnage parle pas. Bah, c'est plutôt historique, c'est fidèle à l'histoire de la série. De là à dire que c'est chelou. Mais après, pour ta Mais comment attends, dire. Mais il y a plein de jeux en fait où t'es en personnage à la troisième personne qui parle qui pas. Pas beaucoup, enfin. Little Nightmare, ça parle pas et. Pour le coup, c'est un des jeux. Oui, mais c'est. Bah, je pense que Breath of the Enfin, Link, c'est pareil. Il y a quand même. Tu réponds des fois, hein. Je sais pas. Il est pas doublé, mais tu peux dire des phrases. J'ai juste vu un dialogue marrant. Oui, voilà. Faut pas s'attaquer au poulet. Ça, j'ai juste vu ça. Oui, tu l'as vu, trop marrant. À partir de 4 coups, les poulets t'attaquent. Et tu meurs. Oui. Pardon. Par des poulets. Tu... Si. Les poulets sont invincibles. Dans The Witcher, les poulets si tu tues sont des vaches, au bout d'un moment, le monstre vache vient te tuer. C'était dans Fable aussi, pour ceux qui connaissent Fable. Oui. Faut faire attention aux bêtes poulets. Oh. Genre si tu sacrifies des poulets ou je sais plus quoi. Il y a des trucs comme ça dans Fable 1 ou 2. Il était très bien aussi. Fable. Alors, merci beaucoup pour tout ce débat sur la Switch et sur Link. Alors, donc on va parler maintenant de quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, Abe et moi, dans le podcast, dans l'univers de la vraie réalité, et auquel on a été voir le concert. Alors, un petit concert entre guillemets, parce que c'était un café-théâtre, donc à la Bellevilloise, et du coup l'ambiance était un peu différente, puisqu'on mange, on boit en même temps. Mais elle a réussi à foutre de l'ambiance, les gens tapaient dans leurs mains, les gens étaient vraiment contents parce que c'était un chouette concert. Il faut dire que c'était sympa, n'est-ce pas? Ouais, c'était très très sympa. C'est sur Paris? La Bellevilloise, c'est la sur Paris? La Bellevilloise, ouais. Il me semble que c'est dans le 11e arrondissement de Paris. Tu t'es fait, Thierry. Tu t'es fait. Et, en fait, bon, pour tout vous dire, on a eu un petit problème technique là, donc on redit ce qu'on vient de dire là, on refait ce passage. Mais Abe, bon, on connaît pas trop son avis parce qu'il était un peu en PLS de savoir ça, mais on trouvait ça triste que les artistes rock étaient peut-être un peu moins populaires qu'avant. Et notamment Lena Deluxe, qu'on adore et qu'on aimerait vraiment qu'elle soit super connue, super célèbre, qu'elle ait plein de thunes et qu'elle achète des châteaux. Okay. Et malheureusement, peut-être à cause du style de musique qui est du coup pas le style populaire actuel. Moment, ouais. Eh bien, on se dit que c'est peut-être à cause de ça et on est un peu triste. En fait, c'est pas totalement ça. C'est pas totalement faux, j'ai cru que t'allais dire. Dis-nous tout, Abe. Non, parce que tu dis en fait. C'est un style qui est populaire, mais qui n'est pas diffusé à l'heure actuelle par les médias. Ah. C'est la différence. Les reptiliens, n'est-ce pas? Non. Ils ont pas... Oui, non, mais je comprends. Souvent, t'es plus côté rap ou plus côté rock. Il y a un peu deux camps dans le monde de la musique, j'ai envie de dire. Oh là là, allez, vas-y, direct. Non, il a son côté Milka. Il y a électro aussi, tout ce qui est... Côté électro aussi, tellement nuancé. Mais il y a le métal dans le rock, il y a plein de choses. Tu vois, t'as genre le hip-hop et la pop. Mais oui. C'est... Ouais. Voilà, mais c'est un style qui est connu. Il y a beaucoup de gens qui écoutent ce style-là. Transition. Oh, oui, mais bon, c'est vrai que comme c'est pas... C'est moins médiatisé. C'est moins médiatisé. Exactement. Forcément, ça fait moins de ventes, ça fait moins de... De succès. Mais en fait, c'est un cycle. C'est au bout d'un moment, on a écouté que du rock pendant un moment. Il va y avoir forcément une vague différente. Donc, comme le rock a succédé à la pop, qui a succédé à un moment à l'électro, qui est en train de succéder au rap hip-hop, qui est en train de prendre le devant de la scène, surtout française, et qui offre des choses super, à mon sens. Jusqu'à ce qu'on parle tous coréens. Mais oui, mais et en fait, attention, après, il y a des vagues. Attention, ouais, ça va arriver. Mais si on parle d'élitisme, c'est compliqué parce qu'il y a toujours les genres underground. C'est-à-dire, il y a le rock d'à l'époque qui était un peu adulé par tout le monde, genre je sais pas, Queen, Red Hot, Pink Floyd évidemment, des choses comme ça, et puis aujourd'hui t'as le rock underground qui naît aujourd'hui et qui est connu que par les gens qui sont restés dans ce rock là peut-être, dans lequel on peut ranger plein de trucs, j'ai pas de nom, mais aujourd'hui ce qu'on appellerait du rock underground, c'est-à-dire vraiment des petits groupes de rock qui continuent à subsister malgré le fait que c'est pas du tout la vague dominante quoi, mais ça existe. Et c'est bien, et c'est pas grave si la popularité ça je change. Je peux te garantir qu'il y a des festivals, il y aura beaucoup plus de monde que quand tu cumules en fait tous les petits festivals de rock, t'as beaucoup plus de spectateurs que. On est là. Qu'est-ce que tu penses? On existe encore, nous les fans de rock. Oui, on se cache, on se tait. Regarde le Hellfest par exemple. Ah oui, mais après, si tu parles de métal. 20 000 places vendues en moins de 10 minutes quoi. Moi je sais pas, rock et métal quand même. On dirait un concert de BTS. Attends, 20 000 places en 20 minutes, oui, mais enfin, pour donner un exemple, Glastonbury, les 100 000 places, elles partent en 2 minutes, un truc comme ça, c'est 200 pounds le week-end, c'est à peu près 270 €, c'est énorme, c'est un truc de ouf. Et qu'est-ce qu'ils diffusent à Glastonbury? Tout. Mais voilà. Ouais. Alors que le Hellfest, généralement, c'est du métal, c'est-à-dire c'est un des rocks les plus hard. Il y a plus que le métal. L'extrême du rock. Il y a beaucoup de gens qui vont écouter du rock qui va peut-être moins être extrême. Donc il y a quand même beaucoup de monde. Il y a beaucoup de nuances dans cette partie de la musique. Enfin, comme dans tout en fait au final. On va conclure sur ce petit sujet. Parce que, en tout cas, on fait des gros bisous à Léna et on adore ça. Et écoutez ces chansons, écoutez tout ce que vous voulez. Mais, écoutez ce que vous aimez. Exa. Voilà. J'aime bien dire exa maintenant. N'ayez pas honte de la musique que vous écoutez. Alors tout maintenant, va c'est pas une musique dont va nous parler Abe. C'est quelque chose qui donne beaucoup de joie, qui donne beaucoup d'amour et d'allégresse et qui, comment dire, nous parle beaucoup de pollution. Ah, chouette. Un monde juste est un monde normal. Il n'y avait vraiment rien de normal à Tchernobyl. Ce qui s'y est passé, ce qui s'est passé après, même nos actes héroïques, tout cela était insensé. Le vent transporte toute cette fumée, toutes ces radiations. Vous avez affaire à quelque chose qui n'est jamais arrivé sur cette planète. Je vous ai dit ce que je savais. Je sais que vous essaierez de faire de votre mieux. Ils nieront tout, bien entendu. Comme d'habitude. Tchernobyl. Okay. Tchernobyl, bientôt. Alors, sur vos écrans. Est-ce que la joie de vivre est partie d'ici? Non, en fait, voilà, je voulais partager du coup l'expérience que j'ai eue en regardant la série Tchernobyl sur OCS. Yeah. Qui m'a vraiment marqué. Mais, enfin, dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qu'en fait, je pense que cette série devrait être diffusée dans les collèges. Et les centrales nucléaires. Non, parce que... dans les collèges. Oui, parce que... En fait, sensibilisation. Voilà, exactement. En fait, c'est une série qui va expliquer, en fait, pourquoi il y a eu la catastrophe, comment c'est arrivé, à cause de quoi, et vraiment aussi se rendre compte de l'importance que ça a été. Parce qu'il y a beaucoup de gens, par exemple, ma sœur qui doit avoir 50 moins que moi, je lui demande Tchernobyl, elle va pas vraiment savoir m'expliquer dans les détails ce que c'est, quoi. Ce qui s'est passé, les conséquences. Les conséquences, voilà. D'ailleurs, je sais pas si vous êtes au courant, mais par exemple, le réacteur qui a explosé, son sarcophage a été fini l'année dernière. Ah oui, oui. On remercie Vinci. Voilà. Chouette. Donc ça nous concerne encore à l'heure actuelle et ça va nous concerner encore pendant plusieurs centaines d'années. Il est créé, hein. Il est à côté, mais ils l'ont pas encore mis. Non, donc voilà, c'est encore un sujet, je trouve, qui est important d'aborder. Et donc voilà, je conseille vraiment de regarder la série, ça explique vraiment ce qui s'est passé, avec des témoignages, etc. Enfin, il y a eu énormément de recherches. Et mais ça reste fictif, c'est pas dans le, c'est oui pas tourné dans un esprit c'est une fictif, mais qui a jamais été aussi proche de la réalité. C'est un documentaire. C'est une fiction, mais qui est peu romancée. Documentaire. Un peu plus fidèle que Narcos, par exemple. Bah, si c'est on la peut docufiction. Le... Exact. C'est beaucoup. Non, mais c'est-à-dire que voilà, exact. Docufiction, c'est un genre de cinéma. Elle connaît. Je participe. J'ai joué la reine d'Angleterre deux fois. Non, mais oui, c'est très très fidèle, mais ils adaptent des trucs juste pour fictionner. Oui, il y a le côté un peu dramatique où on va rajouter peut-être les histoires de famille ou quoi que ce soit pour sensibiliser. Il y a tout dedans. Voilà. Ouais, tout. Ou par exemple, à un moment, la fameuse scène, on va pas se parler, mais il y a une scène où les gens sont montrés comme des gens héroïques, on se dévoue pour y aller, et en réalité, non, ils savaient absolument pas à quoi ils avaient affaire. Ils étaient là juste, on y va, on va faire notre travail, mais ils savaient pas du tout les conséquences. Ouais, à l'époque c'était comme ça, hein. C'est vraiment, t'avais des ordres, le mec y allait, deux semaines plus tard il était mort dans des souffrances atroces, quoi, ça... Ouais, moi j'ai juste une question, c'est comment vous êtes tombé sur cette série? Parce que moi, j'en ai entendu... De taré, hein. On n'a pas du tout entendu parler de cette série, les news, dans partout. Désolé, sur quoi? Parce que... Ah mais partout, voilà. Il n'y a que les gens sociaux qui ont gardé leur abonnement après avoir fini Game of Thrones qui en ont entendu parler. Je crois qu'ils ont entendu parler. Non, c'est sur OCS. OCS, OCS. Ouais. Donc il faut avoir OCS? Non, ouais. Oui, bah oui, si. Oui, légalement, oui. Voilà, légalement. Mais aussi, ça a soulevé quelques débats, parce que, évidemment, on a pensé au nucléaire, surtout en France, où ça a une importance énorme, et où bon nombre de nos centrales sont vieillissantes. Et aussi... Déjà... Parce qu'il y a un autre truc. Non, mais déjà, il faut savoir que les réacteurs qui étaient à l'époque utilisés, donc celui qui a explosé, Tchernobyl, ne sont pas les mêmes technologies que maintenant. Bien sûr. Donc merci. C'est beaucoup plus stable, ça, c'est plus stable en fait. Ouais. Ah. Voilà, c'est. Bah, en tout cas, ça a réanimé un peu le débat et tout et tout. Forcément. Mais il y a eu aussi un autre truc, évidemment, c'est-à-dire que les gens ont commencé à se prendre en photo sur Instagram. Ah, Tchernobyl, oui, je me rappelle. On va en parler, les youtubeurs ont commencé à y aller. Alors, je. Du coup, oui, évidemment. Éclairez-moi, s'il vous plaît. Je ne connais pas Instagram. Non, mais. Inscris-toi sur Instagram. Il y a des personnes qui se sont photographiées en fait sur place avec des poses un peu. Qui ont. De vacanciers. Quoi. Voilà, de vacanciers qui n'ont pas vraiment de respect sur un endroit où il s'est passé des drames affreux. De la même manière que des gens. Par exemple, le musée d'Auschwitz a réagi en disant arrêtez de vous prendre en photo sur les rails, s'il vous plaît, c'est pas respectueux du tout. Le créateur de la série a réagi, a dit excusez-moi, mais là non, arrêtez, je sais ce qui se passe, je suis très content que les gens aiment la série, que ça a éveillé les consciences, mais là non, c'est faut respecter un peu la mémoire des gens. Et ouais, voilà, c'était pas cool. Bah, ils ont rien compris quoi. Non, mais c'est vrai, faut être con. Enfin. Justement, la série a été faite pour justement voilà, ne pas faire oublier. Et, C'est glauque as fuck. Je veux dire. Bah oui, mais je pense que c'est important de garder. Non, non, non, elle parle des photos. Ah oui, les photos, ouais, tout à fait. Les photos, plus je veux dire la série, là je regardais la bande-annonce par-dessus. Ah oui, il y a des épisodes où vraiment c'est chaud. Hein. C'est triste, c'est dur, mais c'est la réalité. C'est, exactement. J'ai vu sur Instagram justement les photos des maquillages, des brûlés, des irradiés, et c'est tellement impressionnant, je veux dire. Oh mais tu fais des recherches, tu peux voir des vraies photos. Déjà que le maquillage, ça m'a mis dans un état. Vraies radiations, c'est vraiment ça, hein, c'est horrible. En sens, j'aime bien ça. Il y a des croûtes. Oh mon dieu. Non mais ouais, il y a eu aussi un truc où je sais pas si on peut en parler, mais bref, LCI a dit bon bref. Mais ils sont gogol, ils ont pas regardé. Mamie Twink a répondu récemment, mais j'ai pas vu sa réponse. Alors, gros, il y a Mamie Twink et le Grand JD qui sont allés faire des explorations dans des lieux irradiés. Donc, Mamie Twink a été à Tchernobyl et Grand JD a été à Fukushima. Il y a d'autres youtubeurs aussi. Il y a d'autres youtubeurs qui continuent à se rendre. LCI a vendu ça comme ils nous vendent leurs pro-tips touristiques pour aller sur les zones, alors que. Pas du tout. C'était vraiment plutôt des documentaires. C'est ça. Mamie Twink, en le suivant, je sais très bien qu'il fait du coup des trucs plutôt historiques et justement qui instructifs plutôt. Et c'est bref. C'était de la vulgarisation. Les mecs, ils ont passé une semaine sur place. Ils ont préparé le tournage pendant je sais pas combien de temps. C'était très préparé. Ça avait rien à voir avec des pro-tips, Instagrammeurs qui touchent le métal. À quelques mètres de la centrale, quoi. Ils sont vraiment très intelligents. Cool. Après, il y a deux niveaux, parce qu'il y a forcément le Grand JD, Mamie Twink, qui sont très sensibilisés et éveillés sur les consignes de sécurité. Ils essayent d'éveiller les gens sur ça. Et en fait, qui font, je dirais, un travail plutôt propre. Et puis, il y a l'un qui était racide, qui vont à Tchernobyl et qui disent « Et si je lèche la barre de la grande roue, est-ce qu'il va m'arriver un truc ?» Bon, heureusement, il l'a pas fait. Il y a l'un qui fait une blague, je crois, là-dessus. Mais j'ai envie de dire sélection naturelle. Voilà. Donc il y a deux poids, deux mesures, mais pour les noms qu'on cite, la plupart du temps, et même dans le cas de l'un qui était racide, en fait, c'était vraiment dans une démarche documentaire, sensibilisation, etc. Et pas du tout, venez passer vos vacances à Tchernobyl. Venez planter votre tente à côté du réacteur 4. Oui, t'avais aussi une meuf qui venait voir des habitantes et tout, enfin bref. Mais il y a eu aussi un truc, c'est que la Russie a réagi. Oh. Oui, tout à fait. Et ils ont mal réagi. Et ils ont dit, mais c'est pas du tout ce qui s'est passé. Mal réagi ou je sais pas. Mais... Non, à la mais série, dit, à la en série gros, ouais, alors en fait, en même temps. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils veulent refaire la série. Ils vont faire leur propre série. Non, c'est une blague. En expliquant que la CIA a fait exploser le réacteur. Oh, c'est une blague. Non, non, c'est vrai. Voilà. Oh, la Russie ne cessera jamais de me surprendre. Incroyable. Russian TV, Russian TV. Donc oui, voilà, ça peut... Non. Pardon. Merci. J'ai coupé le son pour ceux qui n'ont pas vu. Non mais oui, c'est quand même bien que ça a soulevé des trucs de l'histoire et tout, et j'espère qu'ils adapteront un peu ce truc à plusieurs autres faits. Après, évidemment, il faut toujours rester... conscient que c'est subjectif, qu'il faut garder son esprit critique et tout, mais c'est quand même super intéressant, je trouve. Et du coup, il y a aussi un truc qui avait marqué mon frère qui a regardé la série, c'est qu'il s'est rendu compte, il a appris. Donc, c'est ça aussi qui est fabuleux avec la série, je fais la parenthèse, c'est que pour ceux qui n'ont jamais regardé de reportage sur le sujet, comme par exemple ta sœur qui n'était pas au courant des précisions et tout, c'est extraordinaire. Par contre, pour ceux qui ont déjà vu plein de reportages qui sont très au courant, c'est peut-être un peu moins intéressant sur les faits, mais en tout cas pour l'humain, c'est passionnant. Du coup, celui, ce qu'il avait marqué, c'est qu'il s'est rendu compte qu'il y avait du coup une fusion du réacteur et que, en fait, le combustible était en train de fondre, était à plus qu'à quelques mètres, je sais plus quelle couche de béton les séparait, en fait. Il me semble que c'était... Enfin, bref, je vais raconter sûrement des bêtises, donc bref, deux trucs en fusion très chaud, allez se rencontrer. Ouais, en fait, oui. Jonas lève le gars. Merci. Et s'ils se rencontrent, c'est comme papa dans maman, boum, ça explose. Non, en fait. Et du coup, ça aurait pu faire une explosion nucléaire énorme et rendre invivable l'Europe pendant plus de 2000 ans. Non, c'est pas exactement ça. Putain. Oula. Attention. Qui a fait... En fait, le truc qui. Enfin, la Russie ont vraiment assuré grave. Sur ce qui est vraiment sur la catastrophe. Vraiment, ils ont mis des moyens de L'URSS, pardon. Genre, enfin, quand tu vas là-bas, tu vois, t'as des centaines de camions, t'as des hélicos et tout qui sont abandonnés là-bas, hein, qui ont été utilisés juste pour des moyens énormes qui ont été mis pour essayer de corriger ça. Et pour éviter la contamination, ils les ont laissés là-bas. Quoi. Ouais. Mais vraiment, ils ont, enfin, c'est un truc de fou, hein, ce qu'ils ont fait. Et du coup, justement, le truc super grave qui a fait arriver, c'est que le réacteur était toujours en fusion. Et en fait, il allait fondre et la radioactivité allait contaminer les nappes phréatiques. Et là, ça aurait contaminé effectivement toute l'Europe. Ouais. Et entièrement. Aussi, bon, et aussi l'explosion. Ça, par contre, j'invente pas. Hein. Ça je sais pas s'il y avait eu une, si, si, si, une autre explosion. Mais, mais je croyais qu'ils en parlaient dans la série. Bon, en tout cas, tu regardes un reportage. Bon, déjà, les nappes phréatiques, on est quand même sur un taux d'apocalypse assez fort, hein. L'eau courante, se laver, se nourrir. Voilà, voilà. Donc voilà. Même si c'est plutôt non polluant pour l'atmosphère, ça reste quand même des déchets qui font peur et des risques qui font très très peur. Voilà. Donc merci d'envoyer des drones dans les dans les centrales. Ça nous fait toujours réfléchir un peu sur la sécurité tout ça. Et du coup ouais voilà, on y pense souvent ça et essayer de trouver d'autres solutions s'il en existe. Voilà, voilà. À part le nucléaire, qu'est-ce qu'il existe comme solution ? Faisons un petit aparté là-dessus. L'énergie verte. Ah, le pétrole, hein. Ah, y a rien de mieux, hein. Non, mais c'est-à-dire que si tu quittes le nucléaire, c'est compliqué de remplacer par le 100% renouvelable directement. Parce que à la bougie, les enfants. Les gars, comme à l'époque. Bien sûr, bien sûr. Évidemment, ce serait une très bonne solution, c'est limiter la consommation. Mais ouais. Après, en fait, le problème, c'est le stockage des énergies renouvelables qui pose problème actuellement. Et puis le fait de ce que ça coûte aussi de fabriquer les dites choses en fait qui permettraient d'avoir une énergie plus renouvelable, etc. Non, c'est équilibré maintenant. Le solaire, l'éolien, c'est plutôt pas trop cher. Hein. Et le recyclage. Surtout le solaire, je crois que c'est un des moins chers. Non, c'est devenu beaucoup moins cher qu'avant. Clairement, plus ça avance, c'est une courbe en S. Hein. C'est-à-dire que ça commence tout doucement, et puis ça augmente, et ça se stabilise. Et du coup, là, on espère aussi que... Quelle belle courbe en S. Incroyable. Ouais, ils ont vu mon mouvement, c'était fabuleux. Incroyable, j'ai été happé par le S. Alors, qui va nous parler de quoi ? On va parler... moi, j'avais envie de parler juste d'Angèle avant de passer à autre chose. T'as deux brôles. On est déjà quand même pas mal avancé. Non, j'ai pas deux brôles, on a parlé ensemble de juste, notre chère Léna. C'est combien d'épisodes, au fait, la série ? 5 épisodes. Ok, différence de point de vue. Alors, d'une heure, de combien de temps 5 épisodes d'une heure. Ah oui, c'est vrai, pardon. 5 heures de. Abonnez-vous à OCS. Ça va vite. D'accord. Ouais. Du coup, ma chère et tendre m'a très très gentiment invité au concert d'Angèle. En fait, pas son concert, on est allé donc au Solidays, un festival que vous connaissez tous si vous êtes parisien. Bien sûr. Comment dire ? C'était putain de méga chouette ! Mais elle assure la meuf ! De ouf ! Elle est géniale, Angèle. Elle est formidable, cette femme. Ah mais oui, et en dehors de la fierté que j'éprouve pour avoir de fabuleux chanteurs et chanteuses belges actuellement qui sont en train de défoncer le monde de la pop culture. Des Français ? Je crois que c'était un arrondissement de Paris, la Belgique. Oui, c'est un arrondissement. Et donc. Eh ben, c'était génial. C'était vraiment cool. Tout le monde connaissait les paroles. Et tout le monde, en fait, s'est regroupé dans les Solidays pour aller la voir. C'était vraiment, vraiment très chouette. Et ce qu'il y a, c'est que... C'est... J'en profite justement pour donner le défaut des Solidays. C'est que je trouve que la gestion des foules était un peu chelou. Bah, y a une gestion des foules ? Vraie question, hein. Non, du tout. Et justement, en fait, c'est que des énormes grands axes qui permettent de laisser passer beaucoup, beaucoup de monde, en fait. Et du coup, au lieu d'avoir des artères comme ça, où tu vas avoir des gens qui vont passer tout et tout, là, t'avais vraiment des déplacements de foule très impressionnants. Mais en même temps, en fait, on met à disposition un grand terrain vague sur lequel on met des scènes et après, les gens se débrouillent. Mais c'est le même problème, je pense, dans n'importe quel gros festival, non ? Je pense pas, parce que, par exemple... Download, Hellfest, tout ça. Hein. Pardon ? Download, Hellfest, Rock en scène... Moi, personnellement, celui qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est quand même aussi Glastonbury, où c'est une organisation en toile d'araignée. Ouais. Et c'est très bien foutu. T'as vraiment des passages comme ça, tu tournes en fait en rond, et il n'y a pas ce côté oppressant d'avoir un énorme troupeau de gens qui te foncent dessus presque. Enfin, il devrait faire ça à la Japan Expo aussi. Ah oui. En fait, t'as des espèces de zones où tu peux te... Ouais, non mais même, il y avait des passages pour les gens, pour d'autres catégories de gens, enfin selon ton bracelet là, et tout. Du coup, c'était vraiment très bien calé, il y avait des gens de la sécurité presque à chaque virage et tout. Là, c'était un peu le bordel, je trouvais. Et du coup, j'en profite pour vous conseiller une chaîne YouTube qui est absolument fabuleuse si vous vous intéressez au sujet vite fait, mais parce que c'est super bien expliqué, c'est la Fouloscopie qui explique les mouvements. C'est un gars génial qui explique les mouvements de foule. Lui, c'est son métier, c'est son sujet d'étude et tout et tout. Et t'apprends plein de choses, c'est assez intéressant. Du coup, je ne fais que vous la recommander. Avant de vous dire évidemment que Angèle, elle est belle, elle est magnifique, elle est gentille, elle est drôle, elle danse bien, putain. Elle chante bien, t'es tellement objectif, genre de dire. Mais oui. Ah non, mais moi j'ai dit à toute ma famille, il faut qu'on aille voir Angèle, elle est fabuleuse. Non, mais elle donne une pêche de ouf, et puis quand elle danse sur Balance ton quoi et qu'elle fait des fuck comme ça, et que tout le monde fait fuck et tout. Bonne ambiance. C'est chouette. Non, mais il y a vraiment un côté Stromae, c'est que. Ça réunit un peu tout le monde, il y en a un peu pour tous les goûts, quoi. C'est ça qui est cool. T'as de la pop, t'as du chant, t'as un peu de rap, t'as un peu de... T'as de la danse, t'as plein de trucs. Pour un et premier les album sont en plus, hein. C'est quand même assez impressionnant. On va finir avec Didi pour les paroles, qui va nous parler d'un truc qu'elle aime bien. Oui. J'en paie peut-être. Merci. Oh, oui. Tu m'as encore oublié. Oh là là. Moi j'ai envie de parler, je voulais quand même parler. Je voulais pas. Ouais, surtout que moi c'est en deux temps, trois mouvements, c'est fait. Moi aussi j'ai quasiment rien à dire. Didi, c'est à toi d'abord. Alors moi, je vais parler de nourriture. Ouais. Un sujet qui m'est très cher. voilà la bouffe. Donc j'ai découvert récemment un petit. C'est pas un fast food. Enfin, slash fast-food, restaurant... une petite chaîne... Un slow food, justement. Un slow food. C'est plus l'inverse qui est Je sais pas trop comment décrire... Ouais, je saurais pas trop comment décrire. Bah, un slow food, je pense. Ouais. Bon, sur du burger, mais en voilà. Slow. C'est, donc le nom, c'est Route 89. Ouais. Voilà. Route 89, rue Daguerre. Le numéro, je ne sais pas. Ouais, et, je vais regarder. Vas-y. Et en fait, c'est, la spécialité, c'est les hamburgers. Et franchement, ils sont... super bon. Depuis que j'y vais, j'ai pas encore été déçue. T'as le genre les classiques. Ils te proposent le hamburger du mois, qui est donc une petite spécialité du Route 89. Chaque mois, ils te trouvent une nouvelle recette. T'as bien sûr pour les végétariens, il y a l'hamburger végétarien, donc vous inquiétez pas. Personnellement, moi qui adepte un peu de ça, mais c'est le premier que je kiffe ma race. C'est tellement bon, putain. Moi, juste le classique, tu vois, genre, le classique, je le trouve trop bon. Tu choisis la cuisson de la viande, pour ceux qui sont carnivores. Voilà. Non, mais chose qui n'est pas forcément demandée dans tous les restaurants d'hamburgers. C'est vrai. J'avais jamais pensé. Moi, je pensais que tu nous disais un truc obvious, mais en fait, pas du tout. Oui, non, non, c'est... Voilà. Fast-food, non, mais restaurant, ils ont demandé. C'est comme si tu étais habitué à aller dans plein de restos. C'est bizarre. Peut-être, je vous reparlerai. C'était la chronique de la bouffe. Et en effet, du coup, c'est... Route 89 est à, au 89 de la rue Daguerre. Ah, mais je vous l'avais dit. On n'avait jamais compris le jeu de mots. Ok. Non, mais c'était trop obvious pour moi. Je me disais, c'est pas possible. C'est trop simple. Oui, c'est trop simple. C'est trop simple. Mais c'est intelligent. Et du coup, oui, c'est... en plus, ce qu'il y a de cool, c'est que c'est des anciens boulangers de cette même rue. Pour ceux qui connaissent pas trop le 14e, qui est... eh ben, c'est une rue piétonne. Qui est avec plein de trucs super bons, plein de restos super cool. Et du coup, comme ils sont, comme avant ils étaient boulangers, et ben tu retrouves en fait les mêmes pâtisseries, pains et tout de ouf qu'il y avait dans la boulangerie dans laquelle ils étaient avant et tout. Et du coup, t'as aussi même hein, celui-là, il me fait trop kiffer, le Black Burger. Ah, donc, tout est noir. Ouais. Tout le truc est noir, c'est trop cool. Genre le pain est noir, la viande est noire, tout est noir, la tome est noire, le fromage est noir. Bref. Et donc c'est un peu nos sponsors parce qu'on y va tout le temps. Voilà. Donc, j'aime bien le César, moi, au poulet. Ah ouais, le je César. Je sais plus lequel j'ai pris la dernière fois qui était vachement bon aussi. T'avais pris un VG, je crois. Pareil que. Ouais, ouais. Cas, une, fois, une autre fois on est retourné, mais j'avais pris autre chose. Pour donner l'exemple, par exemple, du César, c'est que c'est assez original. C'est quand même un poulet pané, mais au parmesan. Oh, donc c'est extrêmement bon. Et après, t'as des. Enfin voilà, il y a plein d'exemples comme ça. T'as l'impression d'avoir de la haute cuisine. Et c'est dans pas très cher. C'est pas cher du tout. Tu sais, genre le classique, il est à moins de 9. C'est 9,80€, ouais. Un truc comme ça. Et le reste, c'est genre entre 10 et. Même pas 13€. Mais attends, mais avec ça, t'as la boisson. Et t'as la boisson et les frites. Une bonne portion de frites faites maison. Ouais. Ça sort pas du congélo. Vous me donnez faim. Tout à fait. Non, mais on va se dépêcher puis on va y aller. Si vous avez faim et que si vous êtes dans le 14e et que vous avez un petit creux, allez au Route 89. Et pour l'instant, quand j'ai regardé tu vois, sur internet et tout, je n'ai pas vu quelqu'un mettre en dessous de 5 étoiles pour l'instant. Je sais pas ce qui se passe, mais ils ont raison. C'est super bon. C'est super bon. Voilà, voilà. On va passer maintenant à ça. Vous l'avez compris, on va parler de harcèlement sur des femmes qui font... qui doivent jouer support. Voilà, exact. Est-ce que vous avez reconnu certains personnages? Oui. Widowmaker. Alors, je pense que tu ne vas pas avoir le soutien de la plèbe. Non, bah, Widowmaker, oui. Bon, ça, bref, Tracer. Bref, des personnages donc, d'Overwatch. Voilà, oui, la série préférée de Mademoiselle. C'était pas une série, mais... Ah oui, non, mais la série de jeux... Voilà, le jeu préféré de la pas une série. Spoiler. Quoi? Parce que Overwatch va bientôt devenir une série de jeux. Ah! Il va y avoir un Overwatch 2. Une série d'animé. Je sais pas pourquoi, genre, j'aurais vu ça plus obvious de faire une série d'animé qu'une série de jeux sur Overwatch. Ouais, après, sachant que le lore est plus intéressant que le gameplay. Le lore est super. Bon. T'es dur, mon dieu! Mais attends, un Overwatch 2, pourraient dire le contraire. Je rigole. Overwatch déjà? En vrai, enfin, j'ai l'impression pas, déjà, pas j'ai toutes l'impression les deux. C'est vieux. Overwatch, ça fait. C'est depuis 2015, je le crois. Le temps passe si vite. Ça fait 4 ans, 3 ans. Ça fait 3 ans, oui. 3 ans que le jeu est sorti. Et donc, c'est le jeu qu'on connaît actuellement, c'est PVP, donc c'est player versus player. Et là, ce qu'on va avoir, c'est PVE, donc player versus environnement. Donc, c'est le mode histoire d'Overwatch. Trop okay. Cool. Voilà. Ouh, c'est donc cool. c'est juste une enfin c'est une piste, on n'a pas encore la confirmation, mais à la BlizzCon normalement on devrait avoir cette confirmation. Du coup voilà, c'est OK. De petites informations moi, qui leak. Personnellement, je pense qu'ils vont plutôt annoncer le jeu mobile Overwatch. C'est probable. Référence à Diablo. Excusez-moi, est-ce que c'est un poisson d'avril hors saison là? voilà. Blague voilà, déjà voilà. Été faite. Ah, bah oui, mais en même temps, Blizzard a vendu son âme depuis très longtemps. RIP. RIP. Voilà. Mais non. Hashtag lootbox. Donc, ouais, ok, il va y en avoir un 2, il va y avoir bon, un truc. C'est pas le nom officiel, mais. PVE. Voilà. Lootbox the game. Mais non. Et ce qu'il y a, c'est que ce qui est intéressant, je trouve, c'est que. Donc, Overwatch, comme tout le monde le sait, j'imagine. Est né des cendres du projet Titan, qui était censé être la suite spirituelle de WoW, de World of Warcraft, leur MMO à succès, je parle comme un journaliste de TF1, leur Meuporg, oh là, c'était vieux ça. Leur Memo. Voilà, leur Memo. Leur Mamamou. Leur Mamamou. Voilà. La tête de Didier. Elle s'est réveillée. Pardon. Alors, du coup, oui, comme c'est né de ces cendres, est-ce que tu penses qu'ils vont se rediriger vers. Allez, venez les moutons dans ce troupeau, venez vers notre MMO. Non. Non. Mais je les non, vois ils vont... mal faire un, ils vont, ils vont un rest... solo. Ils... un jeu bah, solo. Ça va peut-être soit être solo, soit en... Non, pas en communauté, je cherche le mot. Aidez-moi, s'il vous plaît. De quoi? Tu cherches... De quoi tu veux... En coopération, en coopération merci en coop. Beaucoup. Ah. C'est annoncé en coop. Voilà, donc solo ou coop. Pour l'instant. Bon. Moi, si ce serait juste un solo, ça serait un peu con. Mini mode histoire, tu serais où? Tu serais tout seul à faire des petites missions. Moi, je vois bien, tu sais, le mode histoire où tu serais son bras, tu fais des petites missions tout seul et tout. T'es censé être discret, ce serait hyper cool. Ouais. Mais du coup, bêtement, si je crois bien comprendre, c'est vraiment un nouveau truc que t'achètes et pas une extension, non. Entre guillemets. C'est d'accord. Un nouveau jeu. Décudec. Ok, merci Perry. De rien. C'était la minute Overwatch. mais, on se partage Perry et moi. Moi j'ai ma minute Tesla, elle a sa minute Overwatch. Voilà. Et la semaine prochaine on parlera de Tesla. Ah d'ailleurs, avant, juste, ils ont quand même annoncé un mode karaoké dans la voiture. Moi, j'achète cette voiture direct. Hein. C'est notre voiture. Bah Blizzard aussi a annoncé le karaoké de Overwatch. C'est faux. Oh la surenchère nulle. Ouais. Non mais oui, mais attends, mais on parle jeux vidéo. Ils ont quand même sorti Beach Buggy sur Tesla. C'est quand même. Bon, ils avaient déjà sorti quelques jeux, des jeux de l'Atari. Je sais pas de quoi ils parlent. Mais ils ont sorti un jeu vidéo que t'as sur PS4 sur une Tesla. Sur tes Tesla, tu peux jouer dans ta voiture. Mais ce serait bien. Et même de... avec le volant de la voiture. Mais pourquoi? Sérieux? Mais quoi? Pourquoi? Seulement quand t'es à l'arrêt, bien sûr. Bien sûr, ouais, évidemment. Merci de le préciser. Mais parce que c'est trop cool. À 100 points le piéton. Il y a une tablette. Ça leur coûte rien à développer puisque c'est les développeurs non, qui l'ont. C'est pas une tablette, c'est un écran. 16 pouces. Mais c'est tactile, du coup c'est une tablette, forcément. Oui. Voilà. C'est tellement grand, enfin, je veux dire, ça prend la moitié de la voiture. N'importe quoi. Donc, sans exagération, non, jamais. Du coup, voilà, par exemple, il y a Fallout Shelter qui va sortir dessus aussi. Enfin, mais c'est quel intérêt. Il y a aussi allez, le jeu Cuphead qui va sortir. Cuphead, achetez Cuphead. Ben bah, voilà, okay. Mais Cuphead dans ta C'est ça. Pour garder les gens un maximum dans la voiture. Oh non, en achetant Cuphead, tu restes pas dans ta bagnole, non, tu vas tuer 2-3 personnes autour dans les embouteillages. Ouais, mais après avoir raté ton boss. Non, si t'as Fallout Shelter, tu restes genre des jours entiers devant. Mais bah non, j'ai du mal à comprendre l'intérêt de... Enfin, je sais pas, il y a déjà tellement de supports. Pourquoi en voiture, aux gens, c'est juste comme ça. Mais pourquoi dans une voiture? Mais c'est trop bien. Enfin, je veux dire, t'as pas besoin d'être sur ton téléphone. Oui, mais t'as pas besoin d'être dans écran, oui. Tranquille. Si tu veux jouer à Fallout Shelter, tu vas pas attendre d'être dans ta bagnole pour jouer à Fallout Shelter. Mais non, imagine, t'es en voyage. Tu fais un voyage, je sais pas, qui dure 8 heures. T'as envie de te poser à un moment donné. Voilà, tu veux faire une petite partie. Bah, sur ton téléphone, bah ouais. Mais oui, mais justement, tu vas te niquer le truc sur ton téléphone alors que t'as un énorme écran devant toi. Et qu'il y a ta fille juste à côté avec qui tu peux jouer à deux à Beach Buggy, c'est trop rigolo. Ben oui. C'est la classe. Et en plus, les voitures vont être autonomes, donc au bout d'un moment, tu pourras jouer avec ça à faire. Là, je comprends. On prendra la Switch alors. T'es ouf. Mais à partir du moment où tu me dis la voiture est autonome, moi je vois pas de problème. Mais étant donné la réalité de ce que c'est de conduire une bagnole aujourd'hui, pour l'instant. Mais non, mais tu le fais à l'arrêt, évidemment. Mais ouais, mais dans ce cas. Mais c'est qu'une voiture électrique, généralement, tu vas la recharger et tu vas parfois patienter. Ouais. Et notamment pour les superchargeurs. C'est pas un bon argument. En vrai. Bah si. En vrai, parce que tu vas patienter, mais si t'es un superchargeur, tu as 10 minutes à tuer, c'est rigolo. Vraiment, ça leur coûtait rien. C'est une mise à jour comme ça. Ou alors tu vas boire un verre en terrasse, je sais pas. Ouais. Mais tu fais ce que tu veux, mais au moins c'est la possibilité. Liberté. C'est juste un plus. Bah pourquoi pas. Non, mais pourquoi pas. D'autres convinces. Mais parce que c'est fun. Voilà, la réponse, c'est parce que c'est drôle. Et les gens adorent. C'est vrai qu'il y a plein de modes sur la Tesla. Tu me disais qu'il y avait le mode danse. Ouais, oui, tu peux faire danser ta Tesla si tu veux. Quoi? Mais que la Model X. Quoi? Bien sûr. Et c'est trop drôle. Et c'est trop. Et c'est des petits trucs. Et genre, elle tape les jantes en l'air, ça se passe comment? Non, en fait, donc elle lève, elle descend les portes. Elle a... Ou d'urgent Tinder. Non, mais si tu veux, tu lui as une vidéo, ça fait avec un peu de rock, limite métal et tout. C'est un Transformers, ce truc, ou ça se passe comment? Ça bat des ailes et tout, c'est trop drôle. Yes. Ça bat des ailes. Oui, oui, mais c'est Falcon Wings. Sinon, ça peut m'emmener au travail. C'est les coccinelles. Sans trop polluer, c'est tout ce que je demande à une bagnole. Exact, mais oui, ça t'emmène voilà. au travail. J'ai pas besoin qu'elle sache danser. Et ça accélère de 0 à 100 en 3 secondes. C'est les meilleures voitures du monde. Super. Avec une limitation à 50 km/h. Et les dans les embouteillages de Paris. Ouais. Bah oui, mais en même temps, vous n'appréciez pas forcément la voiture de base. Donc c'est vrai. Mais ça changerait justement votre vision, à mon avis. Parce que téléportation, tu veux. Non, mais beaucoup de personnes qui n'aiment pas forcément les voitures sont fans de cette voiture. Parce que c'est une autre vision. Bah on parle, bah voilà, oh, c'est bah, putain de thermique, de merde. Qui nous tue. Le bruitage adapté. Ouais, ouais. Enfin, mais là, vu le bruit, c'était une électrique, hein, à mon avis. Non. Ah non. C'est impossible. Ah non. Non. Ça fait pas de bruit une électrique. Bah oui, c'était pas une moto ? Bah. Non, c'était. On est vraiment en train d'analyser ce qui vient de passer. Non, mais tout ça pour. Et en fait, tout ça pour dire que. Oui, c'est cool. T'as pas de vibration, t'as une conduite plus agréable, t'as pas à changer de vitesse, qui en France est quand même plus cool. Et du coup, il y a pas mal de gens qui découvrent aussi une conduite plus agréable, plus cool, et qui redécouvrent le plaisir de conduire. C'est quand même sympa. Je sais pas, j'ai pas mon permis. Jonas m'a volé mon sujet, il l'a orienté sur Tesla. Mais non, pas du coup, t'as eu genre. On parlait trop des balles. On m'avait posé des questions. Bon, de alors. Overwatch. C'était quoi en fait Overwatch? Il va y avoir un deuxième jeu. C'est pour ça. PVE, donc avec plus d'histoire et vu que le lore est très intéressant, sera une excellente nouvelle et une excellente occasion de développer encore plus ce lore. Si seulement encore quelques gens jouaient à Overwatch. Mais il y a vachement de gens qui jouent à Overwatch. Ouais, mais bon, beaucoup moins. Il y en a plus qu'à Apex. Ah bah ah oui, Apex, oui, c'est bien fort. C'est bien. Je croyais que c'était le nouveau Fortnite et puis pétard mouillé. Pas du tout. Ah oui, c'est triste, c'est important, c'est cool. Et la com qu'ils ont mis dessus était folle hein, mais fini quoi. Ouais, bah écoute, c'est moins ça attire moins les gamins, je pense. Oula, pourtant, le c'est plus pour adultes. Ah, le tacle cool. par derrière que t'as. Non, mais si on dit ça, on le sentait venir hein. Mais si on compare ça à Fortnite, ouais, c'est pour les enfants et PUBG, c'est pour les adultes, tu vois. Concrètement. Oui. Oui, voilà. Bah, c'est communiqué comme ça. La après, forme, évidemment, la réalité. Non, mais la forme est différente. Ouais. Voilà. On va passer à notre sujet principal. Mais tout de suite, on va passer à une chanson que nous a conseillé notre chère amie DJ à ses heures perdues. Et j'espère qu'elles seront perdues parce que c'est horrible. C'est pas horrible. Nous allons passer. Le vent pas comme ça. Not today. Not today. Not today. Man, tend it on the hands up. 친구들 on the hands up. 나를 믿는다면 내 Hey, nous avons donc maintenant Abe et moi un pouls de 183, tandis que Didi, Perry et Val ont un pouls de 2500. oui, puisqu'on a écouté BTS. Yes. Et avant de parler en fait de la K-pop, j'ai juste envie. Non, on va passer plus tard, mais d'abord. Non, on va passer tout de suite la K-pop. Non. Oui. Alors, je vous présente notre cher DJ, donc Perry, qui va passer des chansons en fond de ce qu'on parle, parce que c'est tellement vaste la K-pop qu'on a vraiment besoin d'en passer en fond quand on parle. Ouais. C'est un peu l'intérêt de la K-pop. On met de l'ambiance. Voilà. En plus, oui, c'est carrément une musique de fond la K-pop. On est d'accord. Tellement pas. Mais c'était ironique, bien sûr. Donc oui, j'annonce aussi un truc important, c'est que sur mon conducteur, j'ai mis 3. Tu vois, j'ai fait un peu comme quand on fait à l'école, c'est-à-dire que j'ai mis un grand 1, un grand 2 et un grand 3 pour essayer de cadrer là les 3 fofolles, car j'ai devant les 3 fans que j'ai devant moi. Donc le premier, le grand 1, c'est quoi la K-pop ? Mais dis donc, Jamy. C'est quoi alors, la K-pop ? La K-pop, voilà. C'est quoi ? Alors le grand 2, c'est la mondialisation de la K-pop. Et le grand 3, c'est évidemment avantages et problèmes de la K-pop. Voilà. L'avantage voilà. De la K-pop, c'est. Et évidemment, l'avantage, c'est quoi le 2 ? On finira par une question. La mondialisation, je crois. La mondialisation de la K-pop. Ouais. Donc la première chose à faire, okay. C'est évidemment nous définir. Mais c'est quoi la K-pop ? Mais c'est quoi la K-pop ? Alors, Jamy. Qui se lance pour qui c'est la K-pop ? Alors, si vous voulez, j'ai une définition. Allons-y sur la définition terre à terre. L'Institut national de l'audiovisuel français définit la K-pop comme étant une musique de synthèse accompagnée de chorégraphies calibrées au millimètre, portée par des chanteurs séduisants et à la pointe de la mode. C'est faux, sa mère. Bah, des groupes de filles. Oui, non, mais chanteurs. Des chanteuses. Le métier est chanteur, ouais. pas masculin. Et l'écriture inclusive, elle est où là ? Putain, c'est une définition, on peut pas chier. Ok, mais elles font déjà, elles commencent. Alors, on est chiant. Et pourquoi la musique de fond n'est pas la DJ Perry ? Mais je comprends pas comment marche Spotify. Bon, bravo. C'est parfait, il suffit d'appuyer sur play, bravo. Vous avez gagné. C'est Spring Fever. Elodie nous dit ce que nous écoutons en fond, Mamamoo, Spring Fever. Ouais. De bon, l'album Yellow. Ça va être un épisode un peu particulier Flower. Parce qu'en effet, elles vont être très contentes et moi je vais essayer de vous apprendre des trucs. Alors, tout de suite, on peut pas être content et apprendre des choses. Quand est-ce qu'a été créée la K-pop ? Depuis quand ça existe ? Excellente question. Une question, c'est pas d'accord, enseigné bah, sur en fait, ce sujet. Ça a été créé donc après la guerre de Corée. Vos dates. En fait, guerre c'est... de Corée, alors, c'est quelle année ? Aucune idée. Par contre, si tu veux qu'on se la pète un peu, on peut dire que c'est un instrument de soft power. Voilà. Ça commence un peu. Alors, tu vas très loin en besogne, ça commence déjà à être le bordel. Ça, c'est dans mon grand 2, mondialisation. Et okay bah, excuse-moi. Donc, c'est en fait sous l'influence des soldats américains, de l'armée américaine qui est stationnée en Corée, qui l'est toujours d'ailleurs, hashtag le film The Host, eh bien, les Coréens découvrent le rock en fait. Et ça leur permet du coup de. Oui, attends, Didi. Genre, même si je suis une fan inconditionnelle, faut baisser un peu la musique, je pense, pour. S'écouter mieux. Tranquille. Ah oui, c'est vrai. Merci. Mais j'adore. Je suis en train de kiffer toute seule là, mais ouais. Je comprends pour les gens. Sinon, on va pas trop. Enfin, on parle plus fort que la musique. Ça fait un brouhaha. C'est pas super un sympa. Brouhaha. Ce ouais. qui est le nom d'un groupe d'ailleurs. Alors. Alors, du coup, en fait, le premier groupe. Est-ce que vous connaissez le premier groupe de K-pop ? La BTS. Le premier groupe de la K-pop cœur. Est né en 2013. Premier, incroyable. Premier groupe de K-pop. Ah, dans le temps. Oh, c'est Rammstein, c'est sûr. Bah écoute, je retrouve plus dans ma note Super exactement junior. le premier groupe, pardon, toutes mes excuses, mais on va dire que c'est plutôt Seo Taiji qui marque, on va dire, le début de la K-pop comme on la connaît quasiment aujourd'hui. Ouais. On peut pas vraiment définir la K-pop comme existant déjà, donc avec les Américains et tout. C'est plus à partir de la guerre, en fait. Toutes mes excuses, je me suis confondu en erreur. C'est que à partir de la guerre, après la guerre, ils découvrent le rock. Et en 1992, premier groupe historique de K-pop. Voilà, excusez-moi, pardon, je me suis trompé. Et donc, c'est Seo Taiji and Boys. Voilà, c'est un groupe donc en 1982. Ce qu'il y a, c'est que la K-pop est caractérisée par des générations. Oui. Est-ce que vous les connaissez déjà parce que ça... Non, purée, mais vous n'êtes pas du tout au point, en fait. On est en train de kiffer la génération actuelle. Donc, le côté historique, du coup, je vais le faire, mais après, ouais. On pourra parler de tout ce qui est plus fanbase et tout, parce qu'il faudra différencier, en effet, les fans coréens et les fans occidentaux. Mais ce sera pour plus tard. Donc, en fait, il y a trois générations dans l'histoire de la K-pop. La première, c'est donc la première génération, évidemment. C'est avec des groupes comme HOT. Hey, t'étais pas trop loin, Abe. C'est moi. Chinois, SES, FinKL et tout. Ah, chinois. Merci chinois. Wikipédia et tout. Shiny. C'est la deuxième génération. Je précise évidemment que selon les magazines de K-pop, il y a plus ou moins de générations. Mais en tout cas, selon Wikipédia, il y en a trois. Alors, vos gueules. C'est comme le féminisme, il y a trois vagues. Je fais des comparaisons qui n'ont rien à voir. Ça n'a rien à voir. Il est tard, il fait chaud, je crois. Alors, Girls' Generation, c'est la deuxième génération, justement. Et on va dire que j'ai découvert, en me renseignant sur le sujet, que c'était putain les queens. C'est genre Beyoncé fois exposant... Ça c'est Wasa. Dans l'histoire de la K-pop, c'est eux, en fait... C'est ces meufs qui ont participé à vraiment populariser le genre à l'international. C'est la première fois, notamment grâce à Internet, que la K-pop est sortie des frontières à une échelle énorme. Avec Girls' Generation, SHINee. Voilà, ces groupes. Mais en tout cas... Super Junior. Oui. Ouais. Voilà. Bon, ça parlera aux connaisseurs, mais là, pour l'instant, on est donc dans la troisième génération et la plus folle actuellement, ouais. Puisque... Jamais, il y a eu autant de nombre d'albums. En plus, c'est ça qui est fou, c'est qu'avant, c'était pas forcément tous les supports, mais là, c'est tous les supports numériques, de physique et tout. Tout se vend, c'est un truc de ouf. Et du coup, t'as Blackpink, NCT, Red Velvet, Go, Twice. Go T7, là. Enfin, bref, c'est Go un truc. Moi, j'ai l'impression que c'est des noms d'animés ou de menus. Oh putain, les menus McDo, Go T7, s'il te plaît. Voilà. Et bien sûr, BTS, qui est le groupe préféré de PL. Yeah! Et de Val aussi. Oui. Non, pas non. Étant donné qu'il y en a peu, au final, que je connais. Je fais un préambule, quand même. En fait, je pense qu'il est bien d'introduire nos situations par rapport à la K-pop à chacune. On fera après, okay. Parce que, justement... Vas-y. On aurait dû le faire avant. Bah ouais. Non. Pour qu'on comprenne ce qu'on dit, surtout pourquoi on le dit. Parce que, justement, si vous allez vous comprendre, mais pas les gens. C'est-à-dire qu'il y a, par exemple, des termes et un vocabulaire qui est très particulier à K-pop. J'ai découvert ça que, par exemple, McNae, est-ce que vous savez McNae, c'est le plus jeune. Alors, donc voilà, par exemple, tu vois, tous ces genres de trucs, ça a beaucoup d'importance pour les fanbase. La fanbase, évidemment, c'est tous les fans, on va dire, hardcore de la K-pop. Non, il y a peut-être les soft. Non, il y a des gens... Les softcore. Alors, le sunbae, c'est quoi? C'est le préféré. Exact, c'est... Non, c'est pas vraiment, c'est plutôt celui qui a le plus d'expérience. Voilà. Ah ouais? Ouais, on va dire que c'est le plus pro. Voilà. Okay, c'est le plus pro d'un groupe. Donc après, il y a par exemple le Oppa. Oppa! Voilà, qui désigne, on va dire, c'est quand une fille s'adresse à un garçon un peu plus grand. En clair, c'est un grand frère. C'est le grand frère. Quoi. C'est Oni-chan pour les fans d'anime, quoi. Ouais, voilà, mais c'est plus une connotation mignon animé. Mais c'est les filles qui appellent les garçons comme ça. C'est exactement ce que je viens de dire. Mais oui, mais les garçons appellent les garçons young. C'est le terme juste après. Ok, d'accord, excuse-moi. Tu en avances. Il y a la partie historique, il y a la partie vocabulaire, et ensuite on pourra faire. Voilà, mais je vous l'ai dit, je vais vous les caresser. Non. Donc voilà, il y a pas mal de noms, et il y a aussi donc les fameux alors il y a les bias, Les billets. Les billets, voilà, bref. C'est les membres préférés dans un groupe d'une personne ou d'un groupe de fans. Il y a évidemment, au-dessus de ça, il y a les Ultimate BAs. Tu sais même pas pourquoi il y en a autant. Parce qu'en fait, tu crois que t'as un préféré, puis ensuite tu vois l'autre personne. Et là, tu fais, oh mon dieu. Voilà. Il y a le Bias Raked. Voilà. Voilà. Il y a donc aussi. Bias Raked. Il y a aussi l'Ultimate Group, qui est le groupe préféré de la personne, de la fan. Il y a aussi donc, ça on va en parler longuement, je pense, les pairings, ou donc les ships. Qui sont le fait d'imaginer une romance entre deux personnes d'un groupe. Et du coup, ça, bon, voilà, ça change beaucoup de choses. Il y a aussi les One True Pairing, qui sont les vrais de vrais, c'est des préférés, voilà, les OT+, et tout. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. Et donc, maintenant qu'on a expliqué tout ça, on va pouvoir avoir votre historique magnifique. Essayez, s'il vous plaît, de faire moins de une heure. Je vais faire juste une petite parenthèse. La chanson qu'on a écoutée juste avant, c'était Chung A Gotago. Et là, maintenant, c'est Peekaboo de Red Velvet. Peekaboo. Peekaboo. Peekaboo. D'accord. Peekaboo. Okay. On a les chorés aussi. Vous voyez pas à l'écran, mais à l'écran. Dans vos écouteurs, vous ne les voyez pas. Mais elles font des chorégraphies. Je pense qu'on peut, chacune, au moins, juste dire en deux mots, chacune vraiment très rapidement. Okay. Au moins, quand est-ce qu'on a découvert la K-pop? Et quel rapport on a avec vu que j'ai la parole, je vais démarrer. Dans mon cas, je l'ai découvert il y a à peine vraiment un an et demi, même pas. Donc je me définis pas comme grosse fan et je connais assez peu de groupes au final, mais je kiffe bien et pour autant je vois les problèmes qu'il y a derrière, etc. Lydie. Ok, moi j'ai découvert ça, j'étais encore à la fac, donc ça remonte. J'ai connu la genre deuxième génération. Oui, c'est il y a genre 20 ans, c'est ça? Ouais, voilà. Ouais. Oh, je le coup de vieux. Oh, mon dieu. Mais ça fait pas du tout 20 ans. Tu les fais pas. Hein. Genre, ouais, je sais. T'es 60 ans, tu vois. Connasse. comment j'ai découvert ça? Je me suis perdue dans YouTube à un moment. Je me suis perdue sur YouTube. Le hasard. Non, mais. Réellement, c'est ça. Je me suis perdue. Je ne sais pas comment c'est venu dans mes recommandations. Va savoir. Je regardais beaucoup d'animés. Ça a dû partir d'un générique, un truc comme ça. Mmh. Et j'ai connu, en fait, l'avant 2010, l'après 2010. Et moi, c'est surtout un groupe que je suis en particulier. Je suis vraiment, pour le cas, fangirl à fond. C'est ma mamou. Je suis une moumou. Big up à tous les moumous. Parce que, non, moumou. Préciser... Moumou. Pas moumoute. Ce n'est pas moumoute. Je suis un radis. C'est un... Je précise en effet que les artistes de K-pop ou les génériques, on les chansons fandom. Et tout, enfin les chansons pardon, sont souvent utilisées justement dans des génériques, notamment d'animé ou de nouvelles, enfin de telenovelas. De drama. Telenovelas. Pas le même côté, non. Il y a ce même rapport en multimédia qu'on a au Japon où tu peux absolument faire de la thune avec tous les médias, comme par exemple en Europe et en Occident, on a plus de mal à faire. Et du coup, Perry, vas-y, ton histoire. Alors, moi, j'ai connu aussi la K-pop pendant la deuxième génération avec Shiny surtout. Je suis la deuxième génération. Shiny surtout, Girl Generation aussi. Après, j'ai juste oublié. Et puis, je suis revenue dedans. Le break. Le break avec BTS qui est arrivé en mode « Coucou, c'est nous !» Et c'est elle qui m'a introduite d'ailleurs, en fait. Je viens de m'en souvenir. C'est elle qui m'a envoyé des liens de BTS dès le début. Voilà. Et ouais, grâce à moi. Est-ce qu'on peut le dire aujourd'hui, c'est le groupe le plus connu? C'est le groupe le plus connu. Internationalement. International. L'un des groupes les plus connus, je pense. International, c'est le big. Historiquement, ça reste Girl Generation. Même les gens qui connaissent pas la K-pop, j'ai l'impression qu'ils connaissent Girl Generation. Mais il y a aussi, comme tu dis, par rapport au truc de génération, il y a vraiment ce truc du avant 2010 et après, il y a tellement un gros changement quand tu vois les anciens clips de K-pop, c'est kitsch, mort. Et après, il y a l'avancée visuelle, esthétique, mais là, je fais bravo. C'est très beau. J'ai rien à dire. Alors, et toi, Aïb? Quand est-ce que t'as découvert la K-pop? Ce soir. Ce soir. Il y a 5 minutes. J'ai découvert... ça fait beaucoup de... Avec ma copine, voilà. En voiture. Elle m'a dit, tiens, regarde, j'ai un groupe que je kiffe. Ah, en fait, quand t'étais vraiment coincé, là, pendant 3 heures... Voilà. Et là, elle met le son à fond, je fais... Wouah. C'est quoi? Je pense et c'était BTS, bien sûr. D'accord. Ah ouais. Oui. Voilà. Je pense qu'elle a voulu se venger après toutes les... Attends, quoi, Motorhead, écoute ce son. Non, mais j'écoute... en bagnole, j'écoute plutôt genre FIP Radio ou TSF Jazz, tu vois. Ouais. Oui, mais bon. Ah oui, d'accord, d'accord. Ah oui, d'accord. C'est plutôt oui. calme par rapport en fait. C'est pas en voiture, du tout ouais. pareil. C'est pas en voiture, ouais. généralement, j'écoute des trucs ouais. calmes, plutôt de la funk ou du jazz. Et puis elle a lâché du BTS jazz. Et puis c'était terminé. Quoi. En tout cas, ça va nous permettre de sauter au numéro 2 qui est la mondialisation. Parce qu'on a vu ça maintenant beaucoup beaucoup de succès et ça a notamment donné naissance à un terme qui s'appelle le Hailu. Pendant que les filles débattent sur quel morceau mettre après. Non, c'est juste en fait, ça a ouais. remis. J'adore, je suis fan de Mamamoo, mais ça avait remis la même chanson, donc je veux faire découvrir d'accord. un peu d'autres choses aux gens. Alors, sachez que vous pouvez. Mais je ne sais pas non plus comment ça marche, nous, Spotify. On jugera pas. Alors, donc ça a donné naissance au terme Hailu. Qui est donc en français la vague coréenne. Je ne sais pas si vous voyez. Je ne connaissais pas ce terme là. Moi non plus. Donc c'est une expression qui a été assez popularisée, qui est reprise par les médias pour en parler, parce que vraiment, on parle d'une exportation énorme dans un temps très court d'une culture musicale tout à fait nouvelle. Et d'une culture tout court au final. C'est la culture de la Corée qu'on transporte indirectement avec la K-pop. Ouais, je trouve. Je sais que tu vas en parler, mais on va mais en parler, oui, t'inquiète pas. Laisse-moi parler de mon soft power. Soft power. Ben voilà, donc on va passer à notre grand 2, mais avant ça, on va mettre donc la chanson donc, de Day 6, c'est ça ? Exact. Oui. Voilà. Elle est là. Exactement, et donc DJ, vous pouvez monter le son. Yeah. peux nous parler un peu en coréen pour l'artiste? Annyeonghaseyo. Et voilà, avec les dogues, bienvenue sur la radio K-pop, la web radio des fans. Un conseil, purée. C'était quoi ce groupe là qu'on a entendu? Là, c'était Day 6. Et ce qu'on a entendu, c'était I Wait. Ok, c'est quoi comme groupe? Donc c'est un boys band, comme voilà, j'imagine que vous avez entendu. Je suis pas la professionnelle de Day 6. Bah, alors... Pour autant, moi non plus. Hein, voilà, je dois avouer que. On dirait que c'est le Tour de France. Jean-Pierre, je suis pas forcément connaisseur de la chose, mais en effet. Non, bah en fait, bêtement, moi Day 6, j'ai demandé quand j'ai commencé à m'introduire à la K-pop s'il y avait des groupes un peu plus rock que pop. Et du coup, on m'a conseillé Day 6 et j'étais satisfaite. Voilà, c'est tout. Et j'étais tout. Contente. Et ils ont été en concert à Paris. Et j'y ai pas été, lol. Mais c'était sûrement bien. D'accord. Alors, donc on aborde le grand 2, qui est la mondialisation de la K-pop. Mm-hmm. La K-pop. Et ça a d'abord commencé par l'Asie, avant de toucher l'Occident. Mm-hmm. Donc, notamment la Chine. Et le Japon aussi. What the fuck? Le Japon, pourtant, qui a la J-pop. Nani. Mais oui. Et du coup, parce que ça c'est donne... totalement différent, la J-pop et la K-pop. La J-pop a jamais autant percé que la K-pop. Oui, mais en tout cas, d'un point de vue extérieur, il y a quand même très peu de différence pour les gens qui l'écoutent et qui... Même sérieux? C'est pas la même langue, non, déjà. Non, mais je parle pas de la langue, je parle du style musical, du style des idols. Bah voilà quoi, je vois pas trop les différences. Ça se discute, il y a quand même. Donc, s'il y a un truc aussi, c'est que du coup, c'est arrivé en Occident, notamment grâce à Internet, comme je l'ai dit, et actuellement, maintenant, c'est tellement popularisé qu'ils commencent à traduire les chansons, même en espagnol par exemple, japonais. En japonais, chinois, ça oui. Ouais, maintenant, les idoles traduisent leur album, surtout pour le Japon, mais en espagnol, je savais pas. Non, mais je crois que tu veux parler, genre, traduire les lyrics ou traduire carrément le chanter en espagnol, parce que je crois qu'elles comprennent ça là. Ouais, elle chante en japonais. Je suis pas sûre qu'elle chante encore. Il y a même ils chantent en espagnol. C'est avec les. Je sais pas te dire quel groupe. Si, c'est pour le. Il y a beaucoup de fans au Brésil et beaucoup de fans en Amérique latine. Alors, c'est pas faux. Brésil, ils ont beaucoup de fans, donc ce serait plutôt en portugais qui devrait. Mais... Ouais. Du coup, ils ont aussi fait beaucoup de collaborations avec des artistes occidentaux. International. Oui. Tel Nicki Minaj. Voilà. Et comme l'a dit Didi. on est fatigué. Hein. Si ça nous fait rire, putain. Comme l'a dit. YouTube a joué un grand rôle dans la Spotify, diffusion sur Internet de la K-pop. Toutes les plateformes de diffusion. Mais c'est surtout parce que en fait, la K-pop a aussi un énorme est surtout basé sur un énorme support visuel. C'est-à-dire qu'il y a les clips, enfin, on dit souvent, ouais, mais la K-pop, c'est pas beaucoup de musique, c'est juste sur le style, mais ça fait partie du style de la K-pop qu'il y ait des supports visuels, qu'il y ait des clips qui soient bien faits, que ce soit, qu'il y ait les chorégraphies qu'il y a avec la musique, parce que ça fait partie de la K-pop, tout ce côté visuel, justement. Et YouTube, avec cette diffusion de vidéos, permet la diffusion de clips, qui même si tu comprends pas la musique, du coup permet d'avoir de très jolies images à regarder. Alors attends, tu seras en train de me dire que d'abord tu regardes ce qui est joli. Non, je dis aussi. Donc, si tu écoutes la musique. J-Ho ou Mamamoo. Il a dit J-Ho, c'est bon. J-Ho. Mais je valide. J-Ho. Ouais, je remarque, il a dit Mamamoo entièrement. Moi, c'est tout le groupe qui oui, est joli. Je suis d'accord. Non, voilà. Donc, oui. On va percer l'abcès, c'est quand même des gens très beaux, et c'est quand même une attirance, et on sait, mais ça dans la musique aussi, dans tout, le sexe fait vendre. Donc, c'est lié à l'industrie de l'esthétique en Corée, évidemment, hein, comprenez. Après, comme tu dis, beau. Là, à dire le sexe, chacun ses goûts, faut quand même l'avouer, chacun ses goûts, parce que déjà les standards coréens et occidentaux sont différents. Mmh. On va objection. Trouver. Objection! Les standards coréens, on l'a vu surtout avec les chirurgies esthétiques, c'est de se débrider les yeux, d'être quand même plutôt occidentaux. Hein. Oui, mais les occidentaux veulent pas des orientales avec les yeux débridés. Mais c'est surtout au niveau du nez. Hein. Mais ils s'en rendent pas compte. Entre autres. Surtout le mais nez. Mais non, ils s'en rendent pas compte, c'est pour ça. Belle intervention, Dave. Eh oui, le nez. Non, mais c'est ça qu'on dit, c'est qu'on n'a pas les mêmes critères de beauté. Les orientaux vont vouloir ressembler à des occidentaux, les occidentaux vont dire, non. Je pense pas. Je pense vraiment que les occidentaux... Dans tous les cas, Bon, peu importe, peut-être les goûts, machin, machin, mais dans tous les cas, le repère de beauté principal, majoritaire, surreprésenté, ça reste la beauté occidentale partout dans le monde. Et ça, bon, c'est que ce soit triste ou pas, j'en sais rien. Tout ça pour dire que c'est un fait, ça reste surreprésenté et tout. Et du coup, bon, bref, il s'adapte peut-être à ces trucs de beauté. Mais tout ça pour dire que, donc, l'aspect visuel, c'est quand même que, un peu comme les boys bands qu'on avait aussi en Occident, on regarde aussi parce que c'est des beaux gosses, on regarde aussi parce que c'est des belles gosses, et tout et tout. Donc, mais il n'y a pas que ça à regarder. Oui, mais c'est peut-être le premier pas, la première attirance. Surtout que ça s'adresse quand même pas mal à des ados. Si tu regardes, par exemple, il y a beaucoup de morceaux que nous, on écoute vraiment juste pour la musique. Mais j'ai pas dit le contraire, je parle simplement de le premier pas. Et tu parlais de l'aspect visuel. Bah justement, à propos de premier pas, on écoute Shiny en ce moment. Ah oui, merci. Donc, tu parlais du premier pas et tu parlais de l'aspect visuel. Et je disais simplement que ça participait à l'aspect visuel. C'est ce que j'ai dit. À la première attirance, voilà. Que les deux sont liés et qu'ils sont pas forcément, pas forcément indissociables. Et qu'il faut voilà, voir la K-pop comme un ensemble de choses. Voilà. Alors, j'ai appris aussi dans mes recherches dans les grimoires, tandis que Abe regarde le fond de son âme dans son micro, que je suis encore là. Ah, mais faudrait l'interroger comme quelqu'un de extérieur à ça, mais tellement si proche de ce cercle. Elles sont bonnes, hein. Mais non, mais par rapport à ta copine, comment tu le vis, toi? Que ta copine soit fan et que toi tu sois à mon moitié connaisseur, je veux dire. Bon, mais est-ce que tu le vis bien? Oui, enfin je veux dire, c'est pas non plus de la musique dégueulasse, franchement je préfère ça qu'à certains trucs de rap. Avec de l'autotune. Il aime vraiment pas le rap. Non, mais ODD. ODD. ODD. Non, c'est l'autotune en fait. Alors, je lui ai fait écouter Autre Monde, il a bien aimé. Quoi? Et je lui ai fait écouter Autre Monde de PNL, il a plutôt bien aimé. Il a dit « Oh, c'est supportable wow. !» Tu peux écouter Nick Flo et Oli aussi, il y a des trucs très sympas. Je lui ai fait écouter. Bref, mais on fera passer des trucs de rap pour Abe. Alors, non, j'ai dit, c'est surtout les artistes qui utilisent tout le temps de l'autotune. Oui. Pour moi, quand tu sais pas chanter une note juste, tu fermes ta gueule. C'est que tu comprends pas ce que tu fais et que tu n'es pas un chanteur. Tu es c'est un tout. Produit. Je ne suis pas d'accord. L'autotune est un outil qu'il faut utiliser comme un autre. Mais un outil qui te permet de chanter juste pour tout un album, pour tout le temps, c'est que tu sais pas chanter. Donc pour moi, t'es pas chanteur. Dans ce cas, tu t'appelles pas chanteur. Tu peux t'appeler performer, tu peux t'appeler artiste producteur. Et t'as besoin de chant. Et t'as besoin de chant. Si t'as besoin de chant, tu sais pas chanter, mais t'as quand même envie de poser ta voix. Tu peux la booster. C'est des outils qu'il faut utiliser avec parcimonie. Tu aimes ou tu... C'est pas un outil, c'est de l'assistance pour un mec qui sait. Abe, c'est des assistants. Ces attention, gens-là. Si tu parles de Britney, elle nous a Spears, apporté tellement de bonheur. Attends, tu parles de Britney Spears. Alors, elle nous a apporté rectification, tellement de joie. Elle sait chanter. Ouais. C'est juste qu'elle a été conditionnée. Elle a elle s'est super bien chantée. Abe est d'accord avec moi. Non, c'est véridique. C'est juste qu'elle a été conditionnée. Elle a dû rentrer dans le moule de la petite poupée américaine. D'accord. Et donc en fait, elle a changé sa voix, ce qui fait qu'elle a maintenant elle a des problèmes. Mais à la base, elle avait une voix un peu grave. Si tu regardes les premières vidéos où elle chante, elle a une voix grave. Elle peut... Salut, je m'appelle Britney. Non, mais pas comme ça. Mais, non, mais c'est véridique, en fait. Elle sait chanter. Le problème, c'est qu'elle a été coincée. Elle a d'abord débuté, pour ceux qui ne connaissent pas, c'était avec Disney. Vous savez, les petits trucs avec... Pareil, il y avait... Justin Timberlake. Et pas que ce fameux acteur que beaucoup de filles aiment beaucoup. Zac Efron? Non, mais non. Pas Zac Efron. La La Land. Ryan Gosling était dans le club Mickey Mouse. Yeah. Voilà. Comme quoi, ça a pas donné que des fous. Voilà. Mais enfin, tout ça pour dire, à la base, Britney est une bonne chanteuse. C'est juste que malheureusement, aussi, elle a dû, tu vois, oh là là. Satisfaire un public. On lui a demandé de. Entendez les fangirls, pardon. Voilà. Alors, on les entend. Mais donc voilà, genre non. Okay. Alors en tout cas, en revenant à la K-pop, j'ai aussi donc appris qu'il y avait des sous-groupes également. Pour maximiser la rentabilité des groupes et pour s'adresser à plus de fans, plus de personnes qui aiment pas forcément tous les membres d'un groupe, qui aiment plutôt le style d'un plus que l'autre, plus que machin, eh bien ils vont créer des sous-groupes pour encore plus faire travailler les gens, pour encore plus faire d'albums. Et du coup, il y a des albums solo. Oui. Mais c'est très rare. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est quand même, dans tous les cas, très, très, très... comment dire, cadré. Cadré, merci Abe. Oh putain, on s'y connaît nous deux. Attends, Pipolo. Pour les cadrés. Ouais, bien énorme, alors pour les cadrés. Et, alors, et du coup, en fait, c'est ultra, ultra cadré. Donc t'as des boys band, des boys girls, t'as des deux groupes, deux personnes, t'as des trois. C'est des girl band, hein. Voilà. Boys girls, c'est. Bref, je me suis fourché, pardon. Ma langue a fourché, pardon. Je me suis fourché. Oh oui! Et donc, alors, et donc voilà, voilà, c'est pour mieux cibler les fans. Et simuler en fait, les fans. Non, de stimuler les fans. Et on les stimule aussi les fans, tiens. Donc. Voilà, voilà. Et ce qu'il y a aussi, ce que j'ai appris, c'est qu'il y a également des concepts. Alors, c'est pas comme, enfin, on va dire dans des albums, par exemple, des albums de David Bowie, on va parler d'une ère d'un album, de l'ère d'un autre album. Par exemple pour Florence où Perry et moi on est très très fans, on va dire Ceremonials, l'ère de Ceremonials, l'ère de Troisième Rôle, bref. Mais là c'est carrément des concepts qui vont développer, pas forcément à chaque album, mais en tout cas, ok, aujourd'hui on va créer le concept sombre, demain on sera le concept sexy. Par exemple Mamamoo a eu un concept sexy pendant longtemps, et maintenant a fait plutôt un concept sombre. Elles sont toujours sexy. Oui, même sombre, oui évidemment après. Non, bon. Pas pour les Coréens, de base à la base, on leur dit non, vous on va miser sur le talent parce que physiquement c'est ouais. Pas ça, je ne comprends pas du tout. Voilà. T'as même un concept drôle, et t'as aussi un concept, attention le concept il est méta, c'est le concept de changer de concept. Waouh. Oui, je vous assure. C'est vrai. Okay. Voilà, voilà. Donc, tout ça fait qu'il y a beaucoup, beaucoup de fans, beaucoup de gens, beaucoup, beaucoup de délires et de trucs parfois un peu bizarres. Mais... Et c'est pour ça que, comme ça, que nous allons aborder notre chapitre le plus important, le troisième. Avantages et problèmes... Ah non, pardon. On n'a pas parlé du soft power. Oh, vas-y. Val, c'est ton moment. Ouais, j'ai passé le truc en fait parce que je pensais qu'on non, en avait parlé. Mais bah non, en fait, on l'a abordé d'une façon ou d'une autre en disant tout bêtement que la K-pop en fait est un moyen d'entrer dans la culture coréenne d'une façon ou d'une autre, et bah, musicalement évidemment, mais aussi dans le fait de se familiariser bah, forcément avec des chanteurs, avec des idols et forcément avec leurs us et coutumes. On apprendra des choses formidables, genre par exemple que l'âge se compte pas pareil parce que c'est important pour savoir qui est le maknae, de savoir compter l'âge en Corée et pas qui n'est pas pareil qu'en France. Maknae, c'est le plus jeune. Par exemple, voilà, enfin. Qu'il compte, enfin, c'est compliqué. Il compte à expliquer, le fait quand tu as été créé, le moment, enfin, avant que tu naisses, il compte. Je suis pas sûre que ce soit ça. Je crois qu'il y a une fête au cours de l'année qui fait que du coup, si t'es né avant cette fête, tu fêtes ton anniversaire même si t'as moins de 1 an. Non, je crois qu'il rajoute en fait les 9 mois que tu passes dans. Vous êtes bien sur une émission sur la K-pop. Non, c'est rien du tout. Du signe astral de J-Hope. Non, mais tout ça pour dire que. En fait, juste une personne en Corée peut avoir 2 ans de plus par rapport à l'âge qu'on lui donnera en France. Un an seulement. Non, jusqu'à 2 parce que. Vous avez entendu les gens par. Et donc, bon, faites attention si la meuf a 18 ans, si le mec ou la meuf a 18 ans. Faites attention. Je croyais vraiment que c'était juste, il comptait les 9 mois qu'on passait dans le ventre de notre oui, mère. Oui, alors ça c'est vrai. Ça. Et de plus, il compte une année de plus à chaque nouvelle année. Ce qui fait que. Oui. Donc bonjour, tu peux avoir 2 années ans. De différence. Waouh. Bah, je vous invite à checker. En fait, non, c'est au carré en fait. Donc l'année de naissance reste cet la meilleure chose. C'est un exemple que vous avez beaucoup, beaucoup parlé, c'est génial, vous avez. exprime le fait que vous vous intéressez donc à la. Les fans s'intéressent à la culture. Coréenne et il se passe qu'on a pu voir par exemple avec les animés et les mangas en France, les mangas, qui est, je rappelle, le premier consommateur de mangas en dehors du Japon. Après le Japon. Et bien, c'est que la France est absolument innove du Japon et de la culture gens, asiatique. Voilà, veulent apprendre cette culture. Oui. Du coup, veulent apprendre cette culture, veulent y voyager, veulent y travailler, machin. Et donc, ça fait un peu la même pour la culture coréenne. Et pour la Corée qui est coincée entre The Big Japan, The Big Motherfucking China, et avec son voisin du haut qui tape sur le plafond, eh ben, c'est une façon de s'imposer sur la scène internationale, même diplomatique. Et puis gagner un point économique important aussi, d'une certaine façon, tous les goodies et tout, ça fait marcher, évidemment. Puis ça fait du tourisme aussi, à terme, enfin tout ça, ça participe à, là aussi, rafraîchir l'image de cette Corée qui a été en guerre et qui a souvent été vue aussi comme un territoire loin des libertés aussi. Ouais. Donc, oui, occupée non, par le Japon à un moment. Ah, ouais, vraiment, bien sûr. Pas ah, ça, ça a traumatisé Perry. Hein. Ah, ça, elle aime pas ça. Mais c'était dans un drama que j'ai regardé. Mais... Ah, tu as oui, les dramas. Mister Sunshine. Oui, mais tu vois, la K-pop, quelqu'un. Ça aide tellement à entrer dans les dramas parce que, bah, mettons, t'as une de tes idoles qui est dans un drama. Restons dans le rail de la. Non, c'est un lien. Mais j'en ai déjà parlé. Du fait que les... Ah non, j'en ai pas forcément parlé, pardon. Mais oui, en effet, beaucoup d'acteurs, beaucoup de chanteurs deviennent acteurs. On multiplie les activités, voilà, c'est machin, ça, machin. C'est ça. Et d'ailleurs, on vous conseille Perfect Blue, le film d'animation qui parle de ça justement, mais pour la J-pop, une idol en fait qui décide de changer de carrière. Et comment dire, prank ça tourne mal, je vous laisse découvrir le film. Mais c'est un très bon film, et si vous voulez connaître justement ce dont on va parler ensuite, des déboires un peu de cette culture, de cette pop culture, et ben ce sera après. Enfin bref, ce film est cool. Tu voulais dire, pardon ? Non, c'était Elodie. Oui. C'était Didier, pardon. C'était par rapport, vous disiez, beaucoup d'idoles deviennent acteurs ou quoi que ce soit. Oui, et en même temps, ils aiment bien séparer, même un acteur de drama, les comédiens et ceux qui passent à la télé et qui vont dans les programmes TV, ce n'est pas la même définition. Vous voyez, ce n'est pas ce qu'on va retrouver dans les films, ce n'est pas ce qu'on va retrouver dans les séries. Il y a ceux dans, par exemple, l'exemple de Weekly Idol, Running Man. Ce ne sont pas des acteurs, mais ça va être des espèces de showrunners. Ouais. Voilà. Ouais, ouais. C'est Et pourtant, ils sont autant connus que les acteurs, d'ailleurs, voire même plus certains. Surtout dans Running Man. En tout cas, ça fait beaucoup, beaucoup de contrats, ça fait beaucoup, beaucoup de travail, et ça fait des... Surmenages. Voilà, des surmenages. Et on va en parler en grand 3, mais avant ça, on va passer notre troisième chanson sud-coréenne. Eh bien, ce sera donc des calcomanies de Mamamoo. Et là, on coupe d'ailleurs une chanson de Mamamoo en fond. On a donné alors, on écoute celle-ci. Allez, c'est parti, on écoute celle-ci. Allez. Alors, Didi, qu'est-ce que tu nous as passé alors ? Là, c'était la moitié de Summer Night Dream. Ouais, Midnight Summer Dream. De l'album Mamamoo. Voilà, de l'album Red Moon de Mamamoo. D'accord. Donc, il y a un concept différent du concept précédent. Oui, parce que là, elles sont parties de. Je vais t'expliquer le concept vraiment. Genre, non, t'inquiète. C'était genre 4 couleurs, 4 saisons. Voilà, donc 4 albums avec des genres un peu différents, même si à la base, elles restent pas juste sur un genre. Vivaldi, wesh. mais elles font beaucoup de références. Non, mais concrètement, elles adorent faire des références. Au départ, beaucoup de jazz, beaucoup de... Enfin, elles font autant de balades. C'est pas juste de la pop. En même temps, on va le découvrir, elles ont pas le choix. Alors... Oh là là, la transition bah non, ça dépend les, ça dépend les boîtes de prod. Ça dépend. Donc, d'abord, je vais juste aborder un truc, c'est que... On l'a vu, donc c'est très calibré sur les gens et tout, les artistes. Enfin, c'est très calibré pour toucher un public le plus large possible et pour les scotcher à leurs écouteurs ou à leurs écrans, un peu comme comme les chansons populaires aussi qui viennent d'Amérique, hein, pour pas réserver peut-être ça qu'à la K-pop. Non, mais comment dire, je sais pas, mais je pense que ça cherche à être entraînant, évidemment. Entretient pas autant ses fans que ça, quoi. Là, c'est vraiment pour faire. Tu vois, Beyoncé va pas faire un sous-groupe de Beyoncé pour pouvoir faire plaisir aux fans rouges et les fans bleus et les fans verts. Oui, puisqu'il y a des codes couleurs pour chaque fan. Ah ouais ? C'est très impressionnant. Quoi ? Oui, chaque fan club en Corée. Ils ont un nom, mais pas une couleur. Ils ont une couleur associée, je vous assure. Et du coup, en fait. BTS, on est quelle couleur ? Aucune idée, je m'en fous. Moi aussi, tu sais, parce qu'ils nous donnent toutes les infos et nous on fait « Ah bon, je sais pas ». On en apprend. Mais du coup, notamment en fait en Corée, il y a ce que j'imagine vous rêveriez d'aller, d'y aller, bref. Ouais. Il y a les Dream Concerts, où là en fait, il y a les concerts où les différentes fandoms, donc fandom c'est des groupes de fans... Fandomen. Voilà, qui sont très très contents d'être fans, bref. défendent en fait leurs favoris avec des bâtons de couleur, des ballons de couleur, des trucs de couleur, bref, les couleurs. Les light sticks, voilà. C'est pas forcément de la couleur, c'est genre des formes différentes, tu sais, genre BTS, je sais pas, ils ont des tubes. Ils ont une bombe. Mais là, je te parle pour. C'est une bombe. Voilà. Alors, c'est une army bombe. Qu'on se le dise, c'est une bombe. S'il vous plaît, okay. Je parle pour la Corée pour ce concert-là. Dont vous ne connaissiez même pas l'existence. Donc, je pense pas que ce soit une généralité, je pense que là c'est juste un système de vote, peut-être que t'as dû observer. Non ça me... parce que ça me perturbe cette histoire de couleur. Mais c'est pas parce que vous connaissez pas le truc que c'est faux. Hein. Oh, c'est bon, c'est vrai. On en avait entendu parler. Mais oui, vous en avez jamais entendu parler, mais en Corée il y a ça. Et par exemple, alors, je vous donne un exemple. Les Super Junior, c'est. Je sais plus quelle couleur, bref, ou les Elfes, c'est le bleu saphir, par exemple. Voilà, c'est un exemple. Il y a plein de trucs comme ça qui fait que. Mais en plus, je peux vous le montrer sur YouTube en 2 secondes. Là, les fandoms, il y en a plein. Mais oui, il y en a plein. Et du coup, oui, c'est vraiment, c'est impressionnant. Il y a une culture de la fandom qui est très prononcée. Et il faut savoir, donc, comme je l'avais dit au tout début, qu'il y a une fandom différente entre l'Occident et la Corée, qui est très différente. Et qui se tire aussi entre chaque fandom, entre chaque pays. Mais je voulais aborder juste... Des points de vue négatifs. Vu que t'es dessus, je pourrais enchaîner là-dessus. C'est sur le fait c'est que... C'est pas des couleurs, projet... c'est des... Non, non, non, mais au sujet peut-être des projets de fans, pour rester sur le côté fandom et ce côté international, j'ai observé via une immersion incroyablement exhaustive sur Facebook, les groupes Facebook de fans de BTS. C'est très spécifique parce que forcément, BTS est l'un de mes groupes préférés, mais... j'ai pu assister à des publications de fans qui organisent des projets pour quand les BTS viennent faire des concerts. Et dernièrement, donc, on a vu la multiplication de projets, et c'est des projets, en fait, assez simples. Elles en font des choses quand même très énormes dans leur cœur et dans la façon dont elles les défendent. Et au final, c'est des choses assez simplistes, du style taper des mains pendant telle chanson, faire un tel fan chant pendant tel moment, chanter à tel moment. Et en fait, on sent que c'est des trucs qui leur tiennent tellement à cœur. C'est assez mignon. Et en même temps, on sent que quand ça se passe pas comme prévu... C'est pour toi, John Lennon. C'est un peu sectaire. Quand ça se passe pas comme prévu, c'est assez effrayant. C'est-à-dire que apparemment, pour le concert de BTS qui a eu à Paris il y a pas très longtemps, un des projets qui était prévu pour Paris a été volé à apparemment par les fandoms de, je crois, l'Angleterre ou alors d'autres pays. Et du coup, les fans françaises étaient ultra énervées en disant que « Ah, mais ça se fait pas, ça nous vole nos projets pour les concerts. » Et en fait, je me dis « Mais ça prend des dimensions. » Ils sont quand même, peut-être pas effrayantes, mais de voir à quel point ça leur tient à cœur. Après, je pense que c'est des gens assez jeunes qui en font peut-être des choses importantes pour elles. Oui, c'est ça. Ouais, c'est des fans. Quoi. Ça prend une énorme place. Et du coup, ces fans sont dirigés dans leurs mains, d'une main de maître, par les Big Three. Est-ce que vous sauriez me nommer les 3 plus grosses maisons de production? JYP, YG, JYP et SM. Ouais. Bravo, exactement. qui génèrent des tunes qui feraient pas lire les des plus grosses maisons de disques ailleurs, et c'est impressionnant. Oui, c'est impressionnant. Et du coup, bah, on va parler de la première dérive qui est le contrôle. Vraiment over freak contrôle de des boîtes, bah, des boîtes, des artistes, des enfin des boîtes sur les artistes. Ouais, voilà, sur leur vie, leur intimité. Et ouais, les contrats, genre tu vois le petit alinéa, on va contrôler toute ta vie. Et on m'a, je sais plus si c'est toi qui m'avais dit ça, Perry, c'est sur le fait des contrats d'esclaves, ça s'appelle vraiment contrat d'esclave. Non, c'est pas, ça s'appelle pas comme ça officiellement. On en parle pas mal, c'est un petit peu ça. De l'esclavagisme, parce que du coup c'est vraiment 100% leur temps est 100% réglé, ils ont droit de faire très peu de choses, ils sont obligés de faire beaucoup de choses, et il y en a parfois qui s'épuisent, quoi, forcément. On en parlera, mais... Aller jusqu'au suicide. Ah oui, évidemment, c'est une chose qui a beaucoup, beaucoup touché les gens, ça a été beaucoup critiqué, cette façon de faire, parce que... en effet, ils ont presque plus de vie, ils ont des temps de travail, des heures de travail qui sont presque inhumaines, quoi. Enfin, vraiment catégoriser des esclavagismes, il faut quand même le faire, quoi. Il y a aussi ce côté qui fait beaucoup penser, par exemple, il y a plein d'artistes, presque pendant les 50, les années 50 à Hollywood, l'âge d'or de Hollywood, les acteurs n'avaient pas de vie privée, c'est-à-dire qu'ils étaient avec des personnes. Sans le vouloir, enfin, il devait être en couple avec un tel ou un tel, sans forcément être amoureux. Là, pour le coup, c'est l'inverse. Ça a été du coup critiqué aussi dans la K-pop. Il y a aussi la chirurgie esthétique, évidemment. C'est vrai que la K-pop, ils ont interdiction de sortir avec des gens. On en reparlera, parce qu'il faudra que je parle d'un sujet justement à propos de ça. C'est vrai que ça, c'est plutôt connu, parce que il y a beaucoup de fantasmes autour de l'artiste. Il faut pas briser l'image. Voilà. Il faut les garder. Moi, personnellement, je suis très triste que Angèle, elle sort avec un beau gosse. Voilà. Mais c'est la vie. Et c'est complètement con. Voilà. Il y a certaine appropriation des fans artistes, carrément, qui est, là, à ce niveau-là, peut-être un peu malsaine, quand même, je veux dire, concrètement. C'est les maisons qui font ça. Ouais, mais c'est même parce que les fans, finalement, effectivement, quand ils apprennent qu'un tel ou un tel sort avec non, il sort avec machin, non, c'est sacrilège, alors que concrètement, c'est sa vie, quoi. Il y a un moment, ça l'empêche pas de faire sa musique, la musique que tu aimes bien. Il est toujours dans le groupe ou elle est toujours dans le groupe. Ah non, il y a plus de groupe après, parce que les gens se font virer on apprend qu'ils sont en couple, n'est-ce pas? D'ailleurs, petite parenthèse je sais plus comment s'appelle cet homme, mais Idon, qui s'est fait virer de Pentagone, géré par la maison Cube, parce qu'il sort avec la chanteuse qui s'appelle Yuna, qui vient de justement apparaître. Merci Yuna pour cette transition exceptionnelle. You got my back, girl. Et donc voilà, il s'est fait virer et maintenant il vit une vie absolument géniale avec sa copine. Sur Instagram, on voit tout leur amour. Ils sont trop mignons. En fait, il essaie carrément de revenir, bref. Ah non, lui non. Lui il chante plus, par contre elle est géniale. Elle était chouette. Non, parce qu'il faut que j'explique qu'elle est très chouette. Là par exemple, la chanson qui passe, Lip Hip, oui, qui est donc une chanson qui est extrêmement sexualisée, qui est quelque chose de très très rare dans la K-pop, mine de rien, sachant que c'est elle toute seule qui fait ça. Oui, d'accord, parce qu'il faut l'avouer que les gens dans la K-pop, surtout les filles, généralement il y en a beaucoup qui sont mineurs. Donc on évite les concepts sexuels. Mineurs, même pas. Mais même les, même pour les majeurs, on les fait pas. Hein. Ouais, mais. Oui, mais ça, tu vois, genre vraiment avec ces filles-là, on va éviter le concept sexuel. Enfin, genre plutôt de la femme mature, c'est pas possible. Voilà. Ouais. Donc c'est vrai que Yuna, à ce niveau-là, c'est comme Sunmi. Elles osent des choses un peu plus femmes. On ne sait pas de qui vous parlez. C'est une très grande chanteuse là-bas. Voilà, Sunmi qui vient ancienne Wonder Girl. Elle est solo, c'est une artiste solo aussi. Yuna, c'est aussi une artiste solo. D'anciens groupes. D'anciens groupes, oui. Et en gros, elles parlent de sujets qui sont un petit peu justement. Comment dire ? Un peu sexy. C'est sexy, ce qui n'est pas fait normalement, mais il y a aussi une chanson qui s'appelle Babe de Yuna, qui devrait passer normalement dans les prochains, je pense. Et en gros, qui parle de la pédophilie dans la K-pop exactement aussi. De tout ce côté, justement, on embarque des enfants pour en faire des idoles. Ce qui a un côté malsain. Enfin, et donc ça. Il commence au lycée. C'est ça. Ouais. Et ça, elle en parle et c'est vraiment un sujet qui. What? Voire collège, pardon. Pardon, je rectifie. Et elle est sous quel groupe elle pour chante, dénoncer ça, elle est sous aucun groupe. Elle fait ça toute seule. Elle va voir des boîtes underground pour produire ses clips. Ok. Bah, donc ça, c'est. Et elle se fait pas assassiner. Ça va. Pour l'instant, elle est tranquille. C'est pas la Corée du Nord. C'est pas la Corée du Nord. Non, mais peu importe. Si non, non, elle est juste sortie. Et puis maintenant, elle a juste plein de potes. Il y a beaucoup de. Il y a aussi beaucoup de groupes et de chanteurs qui sont tout seuls, sans maison de prod. Mmh. Alors, du coup, ils sont moins connus. Ils sont moins comme BTS, EXO, tout ça, qui sont en international partout. Mmh. Mais ils existent aussi. Et j'ai l'impression qu'au fur et à mesure qu'ils aient des contacts à l'international et que notamment la presse internationale s'énerve de leur qualité de vie et tout ils se libèrent un peu plus de ça ils comprennent que en fait ils ont le pouvoir, ils peuvent gérer une communauté et que tout seul. Et si ça plaît pas sur le continent de la Corée, ça plaira à l'international et ça leur suffit amplement parce que la Corée c'est une petite fraction. Oui, parce que il y a eu d'autres. Je peux citer un exemple par exemple. Alors je sais plus si c'est en K-pop ou en J-pop, mais bon, je fais un peu le rapprochement, c'est-à-dire qu'il y a un. C'est en J-pop. Il y a un acteur qui a été pris en flagrant délit de consommation de cocaïne. On peut se dire, en K-pop aussi, hein. En France, mais c'est les conséquences qui sont un peu plus étranges. C'est-à-dire qu'en France, tout le monde le sait, tout le monde le dit, on sent pas les steaks, et puis voilà, il y a plein de gens à la télé, on le sait, quoi. Hashtag TFPMP, bref. Ça balance. J'ai dit, toi-même. toi-même, tu. Non, non, non, mais non, bien sûr que non, mes petits chéris. Alors, du coup, le mec, ce qu'il y a, c'est qu'il s'est fait effacer. C'est une pratique, j'imagine, qui arrive souvent en Asie où. C'est pour ne plus être rattaché au nom du groupe, au nom de la boîte de prod et tout. Les goodies sont modifiés très vite, le site internet, bien sûr. Ouais. Voilà. Eden, il est complètement effacé de son groupe. On fait comme si ça n'avait jamais existé. Exactement. Ils ont dû même, par exemple, le jeu Yakuza, ils ont dû le ressortir parce qu'il jouait un rôle dedans. Non, mais même pas. Ils ont dû supprimer le mec. Ils ont dû faire genre un 6 mois de développement en plus, quoi. Le mec. Et donc c'est impressionnant. Il y a aussi des. Ouais, c'est pas pareil. C'est. Oui, peut-être, mais en tout cas, il y a donc, je pense, peu de gens qui arrivent forcément à se sortir de cette mafia, entre guillemets, sans forcément avoir des conséquences un peu très négatives pour leur carrière. Quoi. Puis évidemment, on peut parler du dernier scandale en date sur la boîte de nuit. Sungri. Ouais, Sungri. L'affaire Sungri. L'ancien membre de Big Bang. Big Bang. Genre, il a fait un camp. Non, mais tu dis ça, mais c'est genre l'un des groupes les plus connus. Justement, tu parlais de BTS, mais avant, c'était Big Bang. Ouais, on a pas prononcé le mot de Big Bang. En fait, c'est Big Bang qui a ouvert la voie. Au niveau de l'Occident, vraiment. Shiny et une belle génération. Mais sur la troisième génération, c'est on a compris. Alors, oui. Et il y a un gros scandale. Parce qu'en fait, oui, bien sûr, c'est des idoles. Mais quand ils vieillissent, ils ouvrent, tu vois, genre des restaurants, des boîtes, composition musique. Enfin, un peu. Attends, une idole vieillit. What? Faut bien qu'elle continue à faire du bif après. Donc, oui. Et du coup, ils ont ouvert une boîte de nuit alors. En fait, c'est si je crois bien. En fait, c'est... il était déclaré comme cofondateur, mais légalement, il disait ah oui, mon nom est inscrit, mais je gère pas, vous comprenez, il y a ma carrière musicale. Il y a une super vidéo de. Merde, j'ai plus de youtubeur, ça m'énerve, qui le dit très bien, qui raconte très très bien toute l'affaire. Vous tapez l'affaire Sungri sur YouTube. Et, on vous la partagera sur Facebook, sur nos réseaux. Partagez, suivez-nous, cliquez, incroyable. Okay. Et du coup, voilà, il détaille toute l'affaire parmi le fait que du coup, ce mec est accusé, entre autres, de trafic sexuel. Trafic sexuel, voilà, de drogue évidemment. Bon, alors ça, c'est quand même un peu grave. Hein. C'est très grave. Je parlais de mafia. C'est voilà, genre le truc, si on fait un résumé, c'est donc pour réussir à avoir des contrats dans cette boîte de nuit, il envoyait des escort girls ou des prostituées pour ses futurs clients et genre tu vois, genre les appâter et pour qu'ils soient joyeux et qu'ils signent le contrat. Mais personne fait ça. Voilà. N'importe quoi, qu'est-ce que tu racontes ? Jamais personne fait ça. Jamais personne fait ça, ouais. Voilà, tout à fait. Mais ça c'est mais le problème c'est qu'il y a aussi tout un autre côté sur les vidéos. Des débats sexuels qui ont été les sex tapes qui ont été filtrés sur internet, ils ont trouvé pas que de lui, genre certains idols qui justement ils, ils avaient un chat, un groupe de chat et sur lequel ils partageaient les vidéos de leurs ébats sexuels avec des filles qui n'étaient pas forcément au courant que c'était filmé. C'était drôle voilà. Pour la plupart. Oh merde. Alors du coup, caméra cachée. C'était une caméra cachée souris. Ouais. c'est le Black Sun. Je crois que c'est le Black Sun le nom alors. de la boîte. C'est très important. Du coup, le détail. Simplement pour dire que quand je dis souvent mafia, c'est parce que je fais le parallèle avec le Japon. Je sais pas si c'est le cas avec la Corée, mais le monde du spectacle historiquement est quand même souvent tenu par des yakuza qui sont quelque chose de très organisé au Japon. C'est quand même c'est limite une administration en soi quoi. Et je sais pas si c'est pas le cas justement en Corée, qu'il y a pas justement ces délires. Parce que j'imagine que l'industrie ça doit communiquer parce que c'est des mondes qui font beaucoup d'argent, donc au bout d'un moment ils ont des intérêts communs qui sont souvent la drogue et les escort girls et tout finit par se regrouper quoi. Ça nous amène. Mais on a parlé que du négatif pour le coup. En même temps c'est ce qui. Le positif c'est parce tout que le reste. Positif on en a parlé. Oui tout le reste c'est que on voit votre passion, on voit que ça vous plaît énormément, on voit que ça. Bouge des foules au Stade de France et que ça fait plaisir à beaucoup de gens. Mais en même temps, on va pas finir sur ça, t'inquiète pas. Ah. Là, on va parler du suicide de Jérôme. Quoi ? Non ! Non ! Attention. Ah, je me suis trompé de mot. Il y a des mots qu'il faut pas prononcer là. Pardon, non, je me suis trompé de mot. C'est Jung Yong de Shiny, justement, ce fameux groupe qui a lancé dans la deuxième génération l'exportation, en tout cas en boys band, vers l'international. Un de leurs membres, ils sont 5 à l'origine. Il y en a un qui s'est suicidé, voilà. Et donc, en laissant une lettre derrière lui où il décrivait les pressions, travail, voilà, qu'il pression, en pouvait plus. Et moi j'ai cru comprendre, alors même s'il était avec une fille, qu'il y avait aussi un secret qui pesait très lourd sur lui, peut-être ou sa bisexualité ou son homosexualité, je sais pas trop, mais j'ai cru entendre ça. Et dans tous les cas, c'est extrêmement tabou, je crois même que c'est... je sais pas s'il est également assez répréhensible en Corée, mais en tout cas, c'est très très très c'est, tabou, ouais, et les gens genre, sont plutôt encouragés à être homophobes. En fait, c'est plutôt genre, t'en parles pas, on veut pas le voir. Ouais. On veut pas le voir. Genre, tu l'es, mais tu nous le dis pas, on veut pas le voir. Ils vont pas être... Voilà, c'est juste, c'est ta vie privée. Faut que ça reste vraiment, vraiment, vraiment privé. Et du coup, c'est tout le paradoxe, ça me permet de rebondir. Donc, je sais pas si c'est exact ce que j'ai dit sur la personne, mais en tout cas, ça me permet de rebondir sur le paradoxe des pairings et du coup des chips, là, comme vous dites. Voilà. Et qui sont, du coup, presque quasiment exclusivement. Quoi ? Il y a les frites qui sont prêtes ? Il y a mon réveil ! C'est un réveil ! Et qui sont quasiment exclusivement occidentales, parce que du coup, en Corée, on va beaucoup moins imaginer ça. Alors je crois qu'ils le font aussi. Ouais, hein, je pense qu'ils le font je aussi. Je pense qu'ils le font parce que ça vient pas forcément de chez nous des fois. Ah oui. Oui, alors on est quand même pas mal champions là-dedans, mais. Juste pour expliquer, la K-pop du coup joue quand même, enfin montre une image quand même qui est souvent assez homo-érotique pour beaucoup de groupes, il me semble. Ne serait-ce que pour les boys band, pour les girls band, du coup, on sait que ça fait vendre. On sait aussi que par exemple les membres de boys band souvent sont un peu presque ça fait des micros un peu androgynes et tout, et du coup c'est là tout le paradoxe, c'est que c'est là pour vendre mais il faut pas en parler. Ouais. Pas du tout. Oui, mais c'est jouer sur l'interdit aussi, c'est ça qui est excitant. C'est d'où vient l'excitation, c'est de jouer sur quelque chose d'interdit et de tabou qui ne s'avoue pas, mais dont tout le monde est conscient du caractère prolifique. Donc ça a tout son sens. Et du coup, ma question, c'est est-ce que vous pensez que ça. Alors putain, c'est plus. Ah, les frites, putain. Mais oui. Est-ce que vous pensez que ça a plutôt un effet positif en se disant que voilà, ça. Montre des choses sans montrer forcément, mais et du coup ça va permettre peut-être aux jeunes coréens de petit à petit normaliser la chose, ou au contraire ça reste dans le tabou et c'est vraiment ça reste énormément dans le tabou. Tant qu'on n'en parle pas ouvertement. Par contre, ce que je voulais dire, c'est qu'il me semble qu'il y a une idol, enfin un mec idol, oui, dont j'ai pas le nom, qui est ouvertement gay, qui perce forcément parce que déclaré homosexuel, il est assez vieux, c'est plus un réalisateur maintenant. Holland. Ah ouais, je savais pas. Tom Holland. Non, pas Tom Holland. Spider-Man. Et donc voilà. C'est pas mal de trucs négatifs, mais il n'y a pas que ça. Mais non, il y a des trucs positifs qui arrivent. Voilà. Faut souligner qu'il y a justement, des groupes. Justement, Hollande. On est en Hollande. Non, arrêtez. Non, mais je veux dire, c'est le premier... François. Donc oui. Le premier idol à être ouvertement gay, même dans ses clips, dans ce qu'il dit aussi. Et il n'est pas mort jusqu'à présent. Personne n'a tenté de l'assassiner, donc du coup on l'accepte, même si comme tu dis, tout le temps qu'on le voit pas, il est pas là, mais il a quand même trouvé de quoi se produire et il existe quoi, donc c'est ça qui est bien aussi, il y a une ouverture qui arrive un peu plus. Alors moi je vais vous passer un artiste de K-pop qui est excellent, j'ai découvert il y a pas longtemps, du coup je vais peut-être baisser la chanson pour passer cet artiste incroyable, vraiment. Je sens la blague. Attention, c'est parti, il est incroyable. J'ai psy. Stop that. C'est quoi? Stop that. J'ai oh pas. Yeah. Oh yeah. C'est Trump. Trump. Sur la chanson. C'est Trump. Boy with love. J'aurais jamais deviné. Je suis sûre que c'était ça. Putain, je le reconnais absolument pas. Ouais, c'est ah, ce vieux con. Ah, voilà. Ah, c'est vrai. Bon. Ivy en profite pour dénoncer. Oh là là. Ah voilà, ça c'est mon artiste préféré de K-pop. Stop. J'ai découvert ça, YouTube est un endroit formidable. Ah là là, c'est très drôle, moi ça me fait beaucoup rire. Moi ça me fait pas rire, du tout. Mais pour revenir sur les bons côtés, juste... Il booste, salaud. Non, en vrai... Je trouve ça trop bien fait. Essayez de démystifier le fait que c'est... Oui, c'est une industrie très cadrée par les boîtes de prod, évidemment, qu'on leur pompe leur vie, on leur pompe leur intimité, mais ils ne etc. sont pas tous comme ça. Mais oui, y a des gens Rainbow qui... Bridge, wow. Non, y a des... Gros bisous. Il y a des gens qui créent, il y a des gens qui écrivent. Bisous quand même. RM, qui est mon bias... RM écrit beaucoup de ses chansons, donc RM, le leader de BTS. Yeah. Voilà. Ils composent, ils chorégraphient, y a des gens talentueux qui travaillent là-dedans, qui y mettent leur âme et qui sont sûrement en dépression. J'ai tu du vois. Mal à t'écouter avec Donna Trump. Arrête la musique alors. Elle est très distrayante. C'est des gens qui donnent beaucoup de leur temps et de leur passion et de leur travail pour en fait... la communication est très naïve là-dessus. C'est vraiment, tous les groupes disent... On fait ça pour votre bien, pour que vous vous sentiez bien, pour que vous vous évadiez. Et c'est vrai que ça marche, en fait. Beaucoup de jeunes filles se retrouvent là-dedans et déclarent que ça les aide à surmonter des périodes difficiles de sa vie, de leur vie, pardon. Et tant mieux, quelque part. Tu trouves une communauté, tu trouves des gens avec qui parler de ce que tu fais. Mais c'est ça qui est triste, c'est qu'en fait, c'est les coulisses qui sont bien sûr, affreuses. Bien sûr. C'est ça qui est dommage. Et... C'est créer du divertissement. Ouais. C'est un peu comme dans les sports. Dans le sport, on dit souvent... Si tu aimes un sport, ne regarde pas les coulisses. Ouais. Alors, bah pareil pour tout ce que t'aimes en général, je dirais. Voilà, c'est limite se bercer d'illusions pour ce genre de groupe, c'est parfois mieux. Quoi. Tout à fait. Et du coup, ça crée des choses fabuleuses bien... comme des fanfics, non, mais des c'est bien d'en prendre conscience, tu vois, des mauvais côtés, mais faut pas oublier, ce n'est pas toutes les boîtes qui sont comme ça. Mm-hmm. Il y a quand même les petits. Ouais, parce qu'en fait, c'est généralement les grosses boîtes, mais les petites boîtes prennent soin aussi de leurs artistes parce que. Il y a une certaine dépendance dans le sens, c'est eux qui vont ramener de l'argent, tu vois. Ouais, donc, il faut un peu les chouchouter. Et puis, ça fait jamais bonne pub quand il y a un artiste qui s'effondre sur scène. Voilà, on a des compilations d'artistes qui s'effondrent sur scène. Bien sûr. Parce qu'il manque de sommeil. Parce qu'on a beaucoup de girls. D'ailleurs, ce qui est super effrayant, c'est quand tu regardes ces compilations d'artistes qui s'effondrent sur scène, souvent des filles qui sont très serrées dans leur tenue, qui ont chaud et qui en peuvent plus, etc. Qui ont des jambes, qui mangent la taille de mon petit doigt. Oui, parce que. En fait, les autres danseuses continuent à danser la plus. Enfin. Plus ou moins, mon parce que... Mon âme a été séparée de mon corps. Parce que... parce non, que elle doit continuer à faire le show. The show must go on, quoi. Vraiment. Genre, ma copine vient de s'effondrer au sol, mais je dois continuer de danser. Ouais. Ah oui, non, mais ça rappelle vraiment l'Hollywood des années 50, quoi. C'est terrible, hein. Bah... Jusqu'à ce que les voix des artistes soient entendues, et puis c'est lié très fort à la culture coréenne du travail. Juste, de façon générale, au-delà du c'est fait... C'est asiatique. C'est pas que coréenne, c'est asiatique, parce qu'ils ont... pour avoir des amis qui m'expliquaient, rien que dans le bâtiment en Chine, nous, on a plein de normes à respecter. Ouais. Mais là-bas, en Asie, un homme, c'est un homme, ça peut être remplacé. Donc, comment te dire que quand tu fais de la construction dans le bâtiment, ton collègue, il meurt, c'est pas ça grave. Ça dénonce. Oui, non, mais en fait, ils ont une autre conception de la mort et de la vie que nous aussi, tout simplement. Faut le prendre en compte. Ouais, voilà. C'est vrai que l'individualisme est un peu... moins présent qu'en occidental. En Occident, on est quand même à fond là-dedans. Viva el capitalisme. Ouais. Mais Mais dans tout ça, ça donne de l'espoir, du rêve et du divertissement à plein de gens à travers le monde. Pas seulement des gonzesses d'ailleurs. C'est bien de souligner. Oui. Je ne sais plus ce que je voulais dire. C'est ça qui est embêtant. Attends. Je voulais dire un truc super intelligent, super fin. On parlait de ça, le truc de communauté un peu. C'est vrai qu'en même temps, genre la K-pop, c'est pas genre que pour enfants. Les paroles, les paroliers sont quand même des fois genre juste lisez les lyrics et vous verrez que c'est plus profond que oh il fait beau aujourd'hui, le soleil est bleu, c'est radieux. Ou je t'aime, ah, tu oui, m'aimes. Voilà, je parlent, me rappelle ce que je voulais ils dire. Ils veulent, tu vois, ils mettent en avant des trucs un peu genre sur la dépression ou sur tout ce qui est il y a des trucs un peu plus profonds que ça. Faut aller les chercher souvent, mais... Ça dépend les groupes, genre... Oui et non, hein. Regarde BTS, Suga, il fait des magnifiques chansons sur sa dépression. Voilà. Solo. Donc techniquement, on n'est pas sur de la mise en avant principale, techniquement. Si tu fais un truc solo, si tu le fais pas avec le groupe, c'est pas tout à fait... Bah, je veux dire, il fait partie de ce groupe énorme, et donc à mon avis, bien sûr. Il y a moyen... Voilà, en tout cas, il a raconté des choses, c'est beau. C'est beau. et ça ouvre vers de nouveaux horizons. Exact. Donc oui, c'est quand même un univers assez génial, un univers assez fascinant, qui a malheureusement ses parts sombres qui ont comme été tout. Beaucoup mis en exergue et qui sont souvent dénoncés, mais qui en même temps sont là et il faut pas les oublier. Mais en tout cas, c'est vrai que moi, je vous conseille le film L.A. Confidential, qui est un film noir qui parle justement de beaucoup de thèmes que touche la K-pop, c'est-à-dire... Mais à Los Angeles. Los Angeles, Hollywood, les artistes qui font de la chirurgie esthétique, plein de choses. C'est un film absolument fabuleux, je vous le conseille. Et du coup, voilà, ça conclut notre épisode sur la K-pop. Il fallait le faire, on a mis longtemps à le faire parce que ça demandait beaucoup de préparation mentale pour Yves et moi. C'était dur. Et nous, on est venus genre complètement unprepared. Alors quel est le premier groupe? Ma maman, voilà. Bitch. En tout cas, j'espère que ceux qui connaissent pas auront un peu pas trop, enfin, auront apprécié mon dictatoriat. Bref, que je leur ai imposé vraiment un truc à guider. On est calme, en vrai. Et j'espère que les fans m'en voudront pas trop que j'ai été. On n'a pas été totalement exact ou exhaustif sur le nom des groupes, sur tout ça. Ah oui, complètement. Mais on n'est pas non plus à ce point-là. On n'est pas experte, on est fan avant tout. De toute façon, vous avez vos couleurs, on sait très bien là. Vous avez vos bâtons de lumière. J'ai un radis et moi j'ai un mubong. C'est le mubong. Je connais le nom. Voilà. Est-ce que on peut finir sur la chanson de Card? Pas du tout, on va finir sur une bonne chanson de rock que Abe et moi on a préparée. C'était prévu. Par contre, on a jamais passé autant de musique. Non, ce serait bien qu'elle a raison, juste parce que Card c'est un groupe un peu différent des autres, parce que c'est un mix de gars et de filles. Oh mon dieu, c'est incroyable! Bah, concrètement, oui, sachant que dans la K-pop, tu vois, genre c'est les boys band et les girls band. Ouais. Et eux, c'est. En plus, je crois qu'il y a une histoire un peu particulière sur la création de ce groupe. Ça, je ne saurais pas la dire exactement. Ouais. Mais c'est au niveau de comment ils sont créés, comment ils sont produits ou autoproduits. Il y a des trucs, quoi, peut-être intéressants. Bah, en tout cas. Je m'écarte dans le fond, juste 15 secondes. Bah, on va se dire au revoir tous là-dessus. Et puis, je vais vous expliquer après le groupe que Abe et moi on a choisi, qui est absolument magnifique. Mm-hmm. Donc, au revoir, Perry. Au revoir, Jonas. Merci à toi de nous avoir accueillis et de nous avoir écoutés dans notre folie. Et j'espère que iJob, il va t'entendre. C'est qui ça? iJob. Bref, le mec que t'aimes bien, là, Jin. Il a changé le nom 4 fois pendant cette émission. J-Hope, répète après moi. Jean-Pierre va t'apprécier. Alors, bisous Val, merci bisous. Encore. Le même Jean-Pierre qui va. R-M. Et puis bon, personnellement, moi je suis quand même aussi assez fan de Mamamoo. Oui, personne m'a demandé si j'aimais bien. Ah oui, c'est vrai, moi je le savais. Et toi, Jonas, comment t'as connu? Alors, moi, sur Pornhub. Non, pas du tout. Évidemment, potentiellement légit, c'est grâce mais... aux filles qui sont à cette table. Et je les en remercie parce que c'est sympa. Ouais, n'ayez pas. Non, mais j'aime bien. Ça fait... En fait, en fond, j'aime bien. Et j'ai quelques morceaux que j'ai dans ma playlist et tout que j'aime bien. Non, vraiment. Moi, je pique comme ça. Tu vois, d'accord. Je prends au hasard. Machin. C'est comme beaucoup. Un peu toutes les musiques du monde, en fait. Tu vois, on va écouter des musiques hollandaises, suédoises. Tu vois, c'est hollandais. Tu connais pas le groupe, mais tu aimes bien cette musique-là. Il y a des trucs sympas partout. N'ayez pas peur d'explorer plus loin. Étendez vos horizons, les gens. N'ayez pas peur de la K-pop parce que certains fans sont complètement tarés. Hein, Abe, il va écouter du rap. Mais j'écoute du rap. Voilà. Des fois, moi aussi. J'écoute parfois du rap. Il y a du bon dans tous les styles. Ouais, voilà. Et du mauvais aussi. Oui. Soyez ouverts. Merci, merci beaucoup les amis. Et du coup, on va écouter Goat, qui veut dire donc chèvre. Yes. Et qui est un groupe comme la formation dans Overwatch. Goat. Game of Thrones. D'accord. Tout le monde est en train de péter un câble. Il est 23h, il fait chaud. Formation dans Overwatch qui s'appelle Goat. Yeah, ouais. C'est une formation. C'est la formation de la tortue. Oui, s'il vous plaît. Oui, on fera ça en off. Goat. On fera ça en off. Okay. Super. Merci, merci Val. J'ai plus d'autorité, moi. J'ai plus aucune autorité. Allez, coupe les micros. Là. Coupe-moi ça, s'il te plaît. Si je crie assez fort, vous m'entendez toujours. Liberté. Liberté, freedom. Les voisins aussi t'entendent. Allez. J'ai hop. Donc s'il vous plaît, on va écouter donc c'est un groupe suédois alternatif expérimental, un style qui plaît énormément à notre cher ami Abe, et donc on va écouter Let It Burn et Let It Burn le K-pop. Let It Go. Pour vous dire un gros au revoir, gros bisous, et puis je pense la prochaine fois on va rester un peu dans le Japon, dans les japonaiseries, on va peut-être pas parler des vents chez lui. Allez, ciao ciao. Des bisous. Bisous. Yeah.